Bonjour à toutes et tous, c'est Vianney de Ludologie. Cette petite introduction pour vous avertir du fait que l'épisode que vous allez écouter est un peu spécial, puisqu'il s'agit simplement de la captation d'une table ronde à laquelle nous avons eu la chance d'être conviés. Cette table ronde a pour but d'éclairer quant au processus créatif qui a permis l'adaptation de la bande dessinée La Petite Mort en jeu de société. Elle se fait donc en présence de trois intervenants principaux, David Mourier, illustrateur du jeu et de la BD, François Bachelard, auteur du jeu, et Antoine Roffet, bûcheron en chef de la maison d'édition Lumberjacks Studio. Les conditions d'enregistrement n'étant pas optimales, vous constaterez très certainement quelques petits couacs et je tenais donc à m'en excuser. L'équipe de Ludologie espère malgré tout que vous saurez apprécier le contenu de cette table ronde, que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a débloqué ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être revenus à cette grande soirée exceptionnelle. Le terme n'est pas galvaudé du tout. Avec ce débat, la petite mort, deux points pour ou contre. La mort pour ou contre. Ah, la mort on pour m'a dit ouais. C'était la mort pour alors, ou contre. En fait, il y a deux sous-débats. Il y a deux sous-débats. La mort pour ou contre. La petite mort pour ou contre. Ah d'accord. Pour. Voilà. La petite mort pour. La mort, le pouvoir d'achat. Oui, non. S'il y a une vie après la mort, y a-t-il une mort après la vie après la mort ? Ce sont donc des sujets. Oui, tu. Ce sont des sujets auxquels nous allons répondre ce soir avec des invités de prestige. On peut le dire, on peut le dire. Déjà, dans des invités de prestige dans la salle, mais aussi autour de cette table. On va commencer par Monsieur François Bachelard. C'est toi. Oui. Oui. Bonjour. Voilà. Auteur. Comment on dit ? On dit auteur de jeu ? On dit auteur de jeu. On dit auteur de jeu. Donc auteur du jeu, La Petite Mort. Ensuite, nous avons David Mourier. Oui. Auteur de la BD, La oui. Petite Mort. Oui. Voilà. Il est content d'être là. Oui. Oui. Voilà. Il n'a pas pu aller aux toilettes avant que ça commence. On a ensuite Antoine, c'est Antoine. Oui, je suis allé aux toilettes. Toi, Antoine, ouais. Antoine, qui est allé aux toilettes ? Moi, tout va bien. Ça s'entend à ma voix d'ailleurs. Je suis un Antoine. Éditeur, oui. On va dire ça comme ça, éditeur de chez Lumberjacks Studio. Lumberjacks Studio. Voilà. Et t'as édité quel jeu ? Mais t'as édité quel jeu, c'est vrai ? La Petite Mort. Ah, c'est surtout c'est la bien, petite mort. C'est bien, c'est surtout très très bien. La Petite Mort. C'est très bien en plus. Donc on a quelques heures devant nous, quelques heures, hein, ce qu'on avait dit, pour parler de ce jeu, pour parler de la vie, de la mort et de tout ça. Je rappelle juste que cette soirée, c'est notre soirée, c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à poser des questions, pas trop non plus, sinon c'est le bordel, mais n'hésitez pas. on a une bande son apparemment. Il y a quelqu'un qui a pris une délirium de Noël. Voilà. Les sponsors, oui, on est sur cette soirée sponsorisée. Alors d'abord, merci pour l'accueil, merci à l'heure du jeu pour l'accueil, pour tout, pour organiser tout ça. Mais pas que, merci aussi à Tibul, la librairie Tibul tome 2, qui est représentée ici par le bas, ils sont en bas. En plus, quel génial, non, ils sont pas là, et en plus, il y avait une tombola d'organiser, mais ils l'ont oublié de le faire. Donc du coup, vous pouvez peut-être gagner un jeu, mais vous n'avez pas joué. Donc Tibul, vous pouvez y acheter vos BD, mais pas pour l'organisation de vos baptêmes, de votre communion, etc. Et merci aussi donc à Terre de Jeux. Merci à Terre de Jeux aussi, qui a organisé aussi une séance de dédicace et qui lui est par contre organisé la tombola. Et qui fait bruitage. On l'avait beaucoup entendu dans Hélène et les garçons pendant des années. C'était lui, les rires dans le fond. J'ai envie de commencer par dire La Petite Mort, le jeu, c'est quoi ? En deux mots. Eh bien, c'est un jeu de cartes donc dans l'univers de La Petite Mort de David Mourier, voilà, qui se joue de 2 à 4 joueurs pour une durée d'environ 15 minutes où on tue des gens, grosso modo. Des gens bien. Ouais, voilà. Et on les tue gentiment. Donc on incarne La Petite Mort qui va apprendre à faucher et l'objectif c'est de devenir la grande faucheuse qui va prendre sa retraite. C'est pour ça qu'en fait dans le jeu on va apprendre à faucher, on va apprendre à gérer un cimetière et puis le but c'est de devenir la grande faucheuse avant les autres. Voilà. Un jeu sympathique, ludique, on peut jouer en famille, de 2 à 22 joueurs. À partir de 14 ans. Hein, pas avant, on va éviter, voilà. Mais enfin, un petit peu avant si on veut. Et puis donc, de 2 à 4 joueurs en famille, c'est un jeu qui se joue très rapidement, 15 minutes. Donc on peut le sortir très souvent. Et puis une bonne rejouabilité, il y a pas mal de façons de jouer. À savoir que moi, je suis très content du jeu, mais qu'à la base, c'était une commande parce que tu ne connaissais pas La Petite Mort. Et ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à créer un jeu, un vrai jeu, même si c'est... on va dire une licence quand même, et ben c'est un vrai jeu, alors qu'il y a plein de jeux à licence quand même qui sont très bien réussis quand même. Pas de nom. Non, je dis pas de nom, mais d'ailleurs j'en ai pas. En jeu de société, là j'en ai pas, mais en jeu vidéo, j'en ai plein. Tintin, les Schtroumpfs par exemple, bon ça c'était une période dans le passé, mais bon, voilà. Mais là, le jeu c'est un vrai jeu, et du coup il a su vraiment prendre ce qu'il fallait dans l'univers et éviter ce qu'il ne fallait pas, et on a un jeu très cool à jouer. Voilà. Alors justement, pour ce travail, explique-nous un peu ton parcours, François. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton but? Je suis vieux, ça va être long. ça va être long. D'où je viens? Ton parcours. Je crée des jeux depuis très longtemps, puisque j'ai monté une boîte il y a même 20 ans pour m'auto-éditer. Je l'ai fermé, j'ai fait une pause, je suis revenu dans le jeu il y a une dizaine d'années, je crée des jeux depuis belle lurette. Et puis je suis parti sur La Petite Mort parce que c'est une commande que j'ai eue de la part d'un autre éditeur qui s'appelle Edge, donc c'était pas les Lumberjack, qui avaient eux-mêmes eu une commande de la part de David, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, tu voulais un jeu sur La Petite Mort, donc tu connaissais bien Edge, tu connaissais bien les jeux Edge, et tu leur avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir un jeu là-dessus. Et ils m'avaient donné des jeux gratuits. Ouais, moi aussi. Voilà. Voilà. Ouais, certains, voilà. Oui. Certains, oui. Lien de sang. Et Battlestar Galactica, ouais. Voilà. Et donc il se trouve que je me suis retrouvé chez Edge à signer un jeu le jour où très peu de temps après que Davy ait demandé en fait un jeu sur La Petite Mort, ils m'ont remis les BD en disant voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose là-dessus. Donc j'ai dit oui bien sûr tout de suite. Puis après je me suis rendu compte que ça allait pas être super simple parce que c'est très particulier et puis ce sont des petites histoires sur quelques cases, et bon bah là effectivement quand j'ai vu ça j'ai dit oui peut-être un peu tôt, puis on verra, puis après la genèse du jeu s'est fait assez facilement finalement. Tu m'as raconté une anecdote quand même assez... Il y a longtemps que tu me l'as raconté, puisque c'était au début où tu travaillais sur le jeu, il y a très longtemps du coup, que tu faisais des recherches sur qu'est-ce qui tuait le plus les gens et que ta famille a eu peur. Ah bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait quand je crée un jeu, je fais beaucoup de recherches avant, je suis sur internet, je cherchais des images, je cherchais des données, et puis pour La Petite Mort, j'étais bien enquiquiné parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire comme jeu, et puis je me suis mis à me renseigner sur la façon qu'on avait de mourir en Europe, enfin dans les pays occidentaux, donc toutes les causes de mort, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait 5-6 principales, le cancer, la maladie des poumons, les suicides, et puis ensuite pour chaque cause de mort, je suis allé chercher les symptômes, enfin la façon dont on y arrivait, donc j'ai fait tout un tas de recherches sur Google, et puis effectivement ma femme qui me regardait bosser et qui demandait ce que je foutais sur les sites de tout ce genre de site en fait, hein. Donc elle s'inquiétait, je lui dis non c'est juste pour un jeu, t'inquiète pas, c'est pas grave, mais elle a l'habitude puisque je pars souvent sur des thèmes qui sont un petit peu limites, hein, quand je fais un jeu sur le Troisième Reich par exemple, je fais des recherches qui sont pas cool. Voilà, une fois j'ai travaillé sur un jeu de cartes post-apocalyptique avec des zombies et cherché la façon de construire des bombes artisanales. Donc un beau jour elle m'a dit mais il y a les flics qui vont débarquer. Et donc c'est souvent comme ça, voilà, effectivement. Et justement, du coup, les jeux que tu as fait, c'est quoi? Cite-nous des noms, fais ta promo. Des jeux que j'ai déjà édités, oh, c'est vieux, ça date. Ou que t'as créé. Ça date, hein. Oui. Si on veut jouer à du François Bachelard ici, Il faut faire les antiquaires. Les antiquaires. Voilà. C'est ça. Donc le plus connu, qui n'est pas connu du tout, alors aujourd'hui c'est La Petite Mort évidemment. Celui d'avant, peut-être le plus connu, c'est un jeu qui s'appelle Symbiose, mais qui a été vendu beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Donc il n'est pas Symbiose. Très connu, voilà. Symbiose. Et puis bah, je l'ai retravaillé, peut-être qu'il ressortira, hein, mais j'en ai quelques-uns sous c'est le, là où y a sous les le nazis coude. Ou pas non, c'est pas celui-là. Ça m'étonnait. Non, les nazis, ils s'appellent Simreich. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, j'espère que ça viendra. Et t'as déjà travaillé avec un auteur de BD? Jamais. Si. Oui, Gnome Noir. Oui. Pour Gnome Noir. Ah, oh, c'était pas un auteur de BD, Gnome Noir. C'est Jérôme le Reculé. Ah oui. Non, non. Ouais, non, non. Jérôme, l'auteur. Si, si, c'est lui. Ah oui. C'est pas lui. Si, c'est lui. T'as bossé avec lui. Ah non, j'ai pas. Enfin, pour Gnome. D'accord. Alors, donc le monsieur qui, donc, qui a fait les illustrations de ton jeu, c'est un auteur de bande dessinée, alors... qui a dessiné Volodrine, qui a dessiné Arthur, qui en plus qui est du coin. Alors, donc, si je peux l'appeler, je vais bien casser la gueule. Les visuels étaient sympas. Non, non, les visuels étaient sympas. Mais alors, pour celui-ci, c'était très particulier. J'ai pas travaillé dessus. J'ai pas participé au développement. En fait, il y a même pas eu de développement. J'ai proposé le prototype et ils ont sorti le jeu sans que je me rende compte. C'est pas. C'était. Très c'est bien le concept. Il y a tout le monde marqué dessus, mais en fait. Voilà, j'ai créé le jeu, je l'aurais passé. Et hop, ils l'ont sorti. Il a fait une Nostromo aussi. Voilà, moi j'ai fait oui, Nostromo. Ah oui, Nostromo est connu. Oui, oui. Ah, mais, c'est le prototype le plus connu au monde. Ah, moi je suis sûr. Ah, ouais. En tant que prototype, hein, bien sûr. Nostromo, oui. Il y a une histoire. Raconte, tiens, Antoine, vas-y. Non, l'histoire, je te laisse la raconter. Je te laisse ah non, la raconter. Bah non, bah moi j'ai déjà. Non, mais parlé comme j'aime bien ta voix. Ouais, c'est gentil. Alors, Nostromo, il y a quelques années, j'ai créé un jeu dans l'univers d'Alien, donc le 7e passager, Nostromo. Je voulais que ça soit un party game, un jeu un peu rigolo qui se joue une quinzaine de minutes, où il y avait un joueur qui faisait Alien, puis les autres joueurs qui couraient dans les couloirs à se cacher. Et puis je l'ai fait jouer sur des TGS, j'ai fait jouer sur des salons, donc ça se passait très très bien. Edge était intéressé. Et puis il y avait une autre boîte il y a des gens qui ont joué, qui ont vraiment apprécié ce jeu, et puis qui avaient une boîte d'édition, visiblement, et qui ont voulu éditer le jeu. Et moi, je n'avais pas trop envie de travailler avec eux. Et puis finalement, ils ont essayé de le sortir sans me demander l'autorisation. Donc, ce n'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé à moi. Enfin, je me suis fait voler l'idée du jeu, la mécanique du jeu. Ils ont retravaillé dessus, l'ont modifié. Ah, ils ont bien aimé, ah, ça, oui. Voilà. Le nom du jeu. Donc, ça fait beaucoup de bruit au mois d'avril. Hein. Ça a failli. Ouais, ouais. J'étais parti pour. Ouais. Et donc, ils t'ont acheté, en fait. Ben ils ont essayé. Non, je n'ai pas été d'accord. Il y a eu un protocole d'accord qui était passé, que j'ai envoyé à mon avocat, parce que moi je suis parti loin, j'avais quelqu'un qui bossait avec moi là-dessus. Et puis, s'ils avaient été trop loin, oui, je crois que ça serait parti en procès. Ce que je ne voulais pas, je n'avais pas trop envie quand même. Hein. Ce n'est pas très agréable. Ça prend beaucoup de temps, c'est stressant, puis on n'est pas sûr de gagner. Cake, qui s'est fait voler son jeu vidéo par un Chinois, le mec il a fait des millions et des millions. C'est exactement le même jeu qu'il avait mis sur iPhone. Un truc avec un petit oiseau qui évite des cactus. Il avait fait ce jeu 3 ans avant le mec. Le Chinois l'a vu, a fait exactement le même jeu, sauf qu'il l'a placé au bon endroit. Le mec a fait des millions et des millions et des millions. Et là, Cake a fait, mais c'est mon jeu. Et là, le mec, il s'est juste retiré, il a effacé le jeu, mais il a gardé tout l'argent. Tous les millions. Ouais. C'est pas très gentil. Bah, t'es passé à côté de 3 millions, t'es vert, quoi. T'as le somme, quoi. T'as le somme. 6-7 millions en plus. Au moins. Non, Nostromo n'est pas sorti, je crois pas. Hein. A priori, non. Je crois qu'il ne sortira jamais. Ils se sont grillés. Aucun éditeur peut le faire. Bah, ils ont peur, les éditeurs, de se lancer là-dedans maintenant. Ah, maintenant le jeu il est grillé. Tiens, voilà. Il y a un éditeur. Pourquoi c'est grillé? Pourquoi c'est grillé? Il y a eu tellement de battage autour de ce jeu-là, il y a eu tellement de battage négatif. Il y a eu aujourd'hui là-dessus, mis à part sur François qui a pris quand même une sacrée claque sur ce jeu-là. Les seules choses positives qu'on disait au moment de cette histoire-là, c'était en soutien à François. Tout le reste en fait, c'était négatif. Mais si les gens ils veulent le jeu, c'est-à-dire qu'il est bien, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'y jouer. Bah oui, puisque j'entends que le jeu a été volé, que machin tout ça, que il était parce que les mécaniques étaient vachement bien. Du coup, pour moi, ça me fait de la bonne pub. Je suis con. Non, c'est super compliqué. Ah ok. C'est assez, ce qui est compliqué, c'est qu'en tant qu'éditeur, tu veux t'investir dans un projet sur lequel il y a un passif juste de dingue. Enfin, tu peux pas deviner comment va. Quand tu vas sortir un jeu. Tu t'essayes toujours d'essayer d'anticiper l'accueil que va avoir le jeu. Là, tu peux rien anticiper. Tu peux pas savoir ce qui va se passer en fait. C'est très compliqué. C'est risqué. Donc c'est mort. Alors mais du coup on a non, tous. Mais il faut que tu fasses un truc en ligne où tu, les gens achètent et tu verras tout de suite si ça marche ou pas. Tu prends aucun risque. Un Kickstarter. Parce que du coup, on a tous envie d'y jouer maintenant. Oui. Il y a comme une grosse frustration, quoi. Là où Kickstarter est très compliqué aujourd'hui, là où ça a évolué. C'est, alors là, toi, ça, t'es ça, le mec, c'est... non. Hein. T'es le mec, non. Hein. Non. Non, le truc là où c'est Kickstarter, ça serait un débat et une table ronde dédiée à Kickstarter, limite. Mais aujourd'hui, Kickstarter, t'as énormément d'investissements pour pouvoir mettre un projet sur Kickstarter. Tu peux pas y aller comme ça, les mains dans les poches et tout. Les oui. illustrateurs, les... Enfin, non mais oui, moi je sais, mes potes qui ont fait les chaussettes, ouais. et ils se sont rendus compte, ils avaient mis un prix, tout le monde leur a dit « Vraiment, on vous demandait beaucoup trop d'argent. » Ils ont réussi à avoir le truc et ils se sont rendus compte qu'avec tout ce qu'ils avaient dit aux gens qu'ils leur enverraient par la poste, etc. En fait, ils ont été de leur poche ils ont rien pour gagné. Produire ouais, le voilà. truc et pour envoyer les trucs voilà. aux gens. Donc déjà, avant d'arriver sur Kickstarter, t'as un investissement qui aujourd'hui, le jeu doit être 80% fini au minimum. Et en plus de ça, derrière, il faut anticiper tous les frais. Et il faut anticiper. Mmh. T'as trop de trucs à anticiper dès le départ, etc. Okay. Et ton prix est rarement juste, sauf si t'as une équipe derrière ça, etc. Je t'inviterai pas à mon mariage quand même, parce que tu casses toujours l'ambiance. Mais okay. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Faut juste pas me donner un micro, sinon je parle tout seul. S'il vous plaît, je vous ai dit que les mariés, c'est des connards. Ding, ding, ding. Non mais c'est pas... Bah tiens justement David Moyer. Ah oui, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Je pense il y en a un. Qui es-tu David Moyer? Peux-tu nous parler de toi, de ta vie, ton œuvre, ton parcours? Je m'appelle. J'ai vraiment dû prendre un verre au début. Je vais faire méga vite. Je suis Ardéchois. Merci David Moyer. Ah. Voilà. T'es d'où? Par là. Sud Ardèche. Ouais, mais où? Obna? Ouais, il sait plus. Par Obna? Moi, c'est Annonay? Non, mais. Non, en fait, il a menti, il est pas du tout. Ah, mais non. Ok, super. C'est la première fois que je vois un mec dans une chaîne. Moi aussi, je suis Ardéchois! On a plus Sylvain Jobert. Ah, 3. Ça fait beaucoup. Hein. Alors que si tu venais de la Creuse, ça serait jamais arrivé. Non, c'est vrai. Bon, oui, je suis. Alors, si quelqu'un m'a dit, ou moi aussi, ce serait vraiment louche, quoi. Alors, pour faire très vite, en gros, au CP, quand on me demande quel métier tu veux faire plus tard, je dis auteur de bande dessinée. Tout le monde se moque de moi parce que les gens sont cons. Parce que c'est pas un métier. Du coup, je fais une école de dessin où je me rends compte que je suis le plus mauvais dessinateur de la classe. Du coup, je commence à me dire que ça va être chaud. Je vais voir les éditeurs. Tous les éditeurs me disent. Ça va être chaud. Donc du coup, au bout d'un moment, je fais, bon, bah ok, je suis pas fait pour la BD. Donc je fais de la vidéo sur Internet. Mais à l'époque où YouTube n'existe pas. Donc c'est compliqué. Ça va être chaud. Donc je mets quand même mes vidéos sur Internet avec mon 56K de l'Ardèche. C'est chaud. Bizarrement, des gens téléchargent quand même. Des fois, on avait 500 vues. Le truc de dingue. On explosait. On était obligé de fermer le serveur. Ça nous coûtait de la thune après. C'était Wanadu. Ben ouais, à l'époque, tu payais son serveur. Donc, à la fin du mois, je regardais, quand j'arrivais à 500, je devais couper, sinon je payais pour que les gens téléchargent. C'est comme si YouTube, au bout d'un moment, au bout de 10 000 vues, YouTube te disait, vous me devez 500 euros. Voilà. Donc, du coup, voilà. Après, par contre, on s'est fait remarquer dans les trucs comme Japan Expo ou Cartoonist à l'époque. No Life est arrivé, je vais très vite. J'étais graphiste pendant 10 ans, d'abord dans une mairie en Ardèche, puis après chez Kazé. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le dessin animé et choses comme ça. Du coup, on a fait Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. La Nerds, ça nous a fait connaître par plein de gens. Et j'avais un blog BD à côté parce que j'avais toujours pas abandonné l'idée de mal dessiner et que les gens me lisent quand même. Et du coup, quand au bout d'un moment, ça a pas mal marché, il y a un éditeur, un tout petit éditeur, vraiment qui a fermé d'ailleurs, qui m'a proposé d'éditer. J'ai fait enfin, putain, j'ai mis 17 ans à avoir mon premier album, on va dire, en gros. Et le premier album est sorti, il n'y avait même pas de diffuseur, mais on a tout vendu par internet, et vu que ça se vendait plutôt bien, on a fait un deuxième album 6 mois plus tard, et en fait j'ai sorti toutes mes vieilles BD qui attendaient en fait, et derrière Ankama a été intéressé, et après Ankama je suis passé chez Delcourt, parce que mon éditrice chez Ankama est partie chez Delcourt, et la première BD que j'ai fait chez Delcourt c'est La Petite Mort, la BD elle existait depuis 2 ans, et on attendait quelqu'un pour le faire, et je voulais le faire avec Marion, mon éditrice, donc. Et Marion m'a dit, t'inquiète, ça sera la première BD qu'on fera chez Delcourt. On est arrivé, on l'a faite, et on a été... c'est fou, parce que ce personnage... J'avais des gens qui étaient tatoués du personnage avant que la BD ne sorte. C'est-à-dire que j'ai des mecs qui venaient en dédicace avec des tatouages de La Petite Mort, alors que c'était qu'une BD sur mon blog. Et la BD, elle est sortie, on a été en rupture de stock en 8 jours. Et aujourd'hui, on a réimprimé. C'est combien ? Aujourd'hui, le tome 1 de La Petite Mort, on est à plus de 30 000 exemplaires vendus. Voilà. Ouais, bravo. Voilà. C'est, on ne sait pas. C'est le marché. Et après, tu fais un autre album et t'en vends 100. Voilà. Il y a vraiment pas de loi, tu comprends pas. Et donc le personnage vit par lui-même, quoi. Et du coup, voilà, plein de choses avec le personnage. Des années passent, et puis après, bah, je te laisse parler. Mais complètement. Ouais. T'as oublié de dire que t'es aussi écrivain. Tu fais aussi de la scène. Oui, j'ai fait des spectacles. J'étais animateur, voilà. Vrai. Je scénarise des dessins animés. Animateur, c'est vrai. Animateur aussi. Enfin, plus trop depuis que No Life est mort, quoi. Mais je fais des vidéos YouTube où je parle de jouets, des choses comme ça. Oui, je suis multi-plateforme. En fait, il n'y a pas un truc pour lequel je suis vraiment doué, mais il y a plein de petits trucs que je sais un peu faire. Donc du coup, bah, je fais plein de petits trucs. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça nourrit mon chat. Qu'on salue ce soir ? Oui, parce qu'il va dormir seul à cause de vous. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Ten et il nous regarde sûrement de... Non, bah non, il serait mort. Non, oui, non. Mais Ten, si tu nous écoutes. Oui, c'est ça. Je peux vous le montrer, j'ai une vidéo chez moi, j'ai une caméra sur le... Ah mais... Alors, après, ouais, ah, voilà, après. J'ai le mien qui est mort cette semaine. Oh ma merde. Mais c'est vrai que tu niques l'ambiance. C'est vrai, non, j'ai vraiment enterré mon chat cette semaine. Vous l'avez pas entendu, mais il vient de dire qu'il a enterré son chat cette semaine. En fait, il met dans l'ambiance. Mais c'est l'ambiance, mais terrible. Il y a un moment, il faut prendre les choses. Est-ce que tu lis la BD, toi, François ? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que tu lis ? La Petite Mort. Ok. Non, des BD genre Lincal, mais j'en lis pas beaucoup, mais j'ai joué chez quelques BD que j'aime bien. Ouais. Une BD qui est sortie dernièrement. C'est tout récent, c'est tout récent. Voilà. Maintenant, j'ai plus tellement le temps. Ah, depuis que tu as la promotion de La Petite Mort, tout ça, c'est... Oui, entre autres, c'est vrai que ça prend du temps, hein. Mine de rien, ça prend du temps. J'adore Ricochet. Voilà. Ouais. Idem, une autre nouveauté. C'est quoi Ricochet ? Monsieur est amateur, est un grand, grand fan de BD. Un grand fan. Un grand fan. Et du coup, question inverse, est-ce que tu joues à des jeux, toi, des jeux de plateau ? Ah oui, moi j'adore les jeux de plateau. Vu que je bois pas d'alcool, du coup, bah, souvent mes anniversaires, je dis bah, on va jouer à un jeu de plateau. Hein, voilà. Jour de l'an aussi. Mais du coup, ouais, Battlestar Galactica pour les jeux complexes. Codename pour les jeux un peu plus rigolos, ou quoique pas trop. La route des vins. Ouais. Ouais, route des vins, des choses comme ça. Hein ? Non, pas viticulture, je crois que c'est la route des vins, ça s'appelle, je crois. Enfin, bon, voilà, je kiffe les jeux, ouais. D'ailleurs, ça s'est bien senti, d'ailleurs, hein, avec La Petite Mort, parce qu'on a quand même des thèmes comme, je cite, la dépression, la solitude, le rejet des autres, le surendettement, la mort du petit chat, les femmes battues. En fait, on avait déjà, de base, tous les ingrédients pour un jeu sympathique, familial et rigolo. Bah, écoute, le jeu est construit, bon, les gens n'ont peut-être pas joué encore, mais on m'a dit que... qu'il fallait trouver des métiers ou des événements de la vie pour que les gens y galèrent un peu. Du coup, moi, j'ai dit, bah, je vais les écrire parce que j'ai envie de faire des blagues là-dessus. Donc, ils m'ont donné des thèmes de cartes. Et moi, là-dessus, j'inventais des métiers comme apiculteur nudiste. Avant le jeu, c'est vrai, tout ça, c'est dans la BD quand même. Pas tout. Ah non ? Enfin, tout ce que je viens de citer, si. Ah oui, oui, la dépression, les enfants qui meurent. Oui, bien sûr, c'est dans la BD. Oui. Bah oui, non. Ouais, mais avec humour. Ah ouais, mais complètement. Non, en fait, La Petite Mort, ça parle pas de la mort, ça parle de la vie et qui arrive à un moment à se finir, c'est tout. Mais et puis les gens me disent que c'est de l'humour noir, et je suis pas d'accord, c'est juste cynique. Parce que tout ce qui arrive dans l'album, souvent c'est des trucs qui arrivent dans la vie. C'est juste que je cumule beaucoup de choses nulles de la vie en 96 pages. Voilà. Le jeu est plus humour noir que cynique. Le jeu est plus humour noir que cynique. La BD, elle est cynique. Ouais. Ah oui, complètement d'accord. Ouais. Oui, mais c'est complètement d'accord. Comme toi. J'avais dit pareil, mais sans le micro. Ouais. Mais où tu voulais aller avec ça ? Nulle part. Donc du coup, le cahier des charges. Donc on parle du cahier des charges, c'est que la BD s'est faite comment ? Donc au début, Davy, tu nous l'as dit, Davy voulait faire une BD. Hop, non, ça je l'avais fait. Non, pas la BD, elle voulait faire un jeu. Elle voulait faire un jeu. Si, tu voulais quand même faire une BD, tu l'as fait. Ah oui, bah, longtemps, j'en ai fait chier des éditeurs. Hein. J'en ai eu des lettres photocopiées qui me disent que j'étais pas dans la ligne éditoriale. Du coup, il voulait un jeu, il a des demandes successives et c'est tombé chez toi. Oui. Pourquoi ? Chez toi ? Par hasard. Par hasard. Par hasard, j'étais chez l'éditeur, il m'a passé les BD en disant tu peux faire quelque chose. J'ai dit oui, c'est tout, par hasard. Il y a pas. Est-ce que ouais, c'était quoi le cahier des charges du coup quand on demande pas. De faire. D'accord. Tu fais un jeu. Point. Démerde-toi. Fais un jeu. Hmm nombre de cartes. Ah oui, oui, oui, c'est ça. On, dit 55 on lui avait demandé cartes. Le nombre de cartes. Tu me fais un jeu en 55 cartes. Point barre. Ah, il y en a pas 55 du coup. Non. Chez Lumberjack, il n'y a pas de limite. Là, je confirme, ouais, je confirme. Sauf les 55 cartes. Non, il y a 113 cartes, je crois. Ouais, c'est ça, le jeu, j'ai pas pu le faire. Non, 55 cartes. Que ouais. Ça, je crois. Oui, il y en a 135 plus. Cartes. Donc, moi, je l'avais fait avec 110 cartes. Et bon, ça, c'était accepté. Et puis ben, là, j'ai travaillé là-dessus. Mais il n'y avait pas de cahier des charges particulier, pas de cible, pas d'infos. C'était un petit peu dans le brouillard. Quoi. Et donc, du coup, comment on fait un jeu? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour dire, voilà. On m'a filé des BD, les 5 tomes, 4, ouais. 3, je sais pas. Oui, t'as tous filé. Ah, bah, à l'époque, et... j'avais, oui, les premières. C'était, ah, vous avez deux, des moyens comme chez Lumberjack quand même. Hein. Enfin, ouais, il y avait les 3 premières. Pas, quoi. Il y avait les. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il y avait les 3 premières. Bah, j'ai lu les BD une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, j'ai attendu que ça vienne. J'ai pas de méthode hein, pour créer des jeux. Donc à un moment donné, je le visualise, je sais ce que je vais faire. Et puis je me mets à écrire. Et puis c'est parti. Mais c'est question de temps. Question de temps, d'accord. Donc après, comment ça se passe en fait? Parce que, enfin moi, je sais pas si les gens connaissent comment on fait un jeu, mais comment ça se passe? C'est quoi le processus? Donc t'as une idée, tu le visualises, et après? Il n'y a pas de méthode. Alors je sais qu'il y a deux grands courants chez les auteurs de jeux. Il y a ceux qui commencent à travailler sur des mécaniques et du matériel, et puis qui font mumu jusqu'à ce qu'ils trouvent des systèmes qui vont ensemble, et puis après ils rajoutent un thème dessus. Ça c'est la première chose. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Moi il me faut un univers, il me faut un thème, et à partir de là, je commence à imaginer les mécaniques qui vont avec. Mais là, il me faut un petit peu de temps. C'est comme ça que j'ai fonctionné avec La Petite Mort. Mais il y a pas, je ne sais pas s'il y a une méthode pour créer des jeux. Je voudrais bien savoir. Parce que là, on ne peut pas me demander de créer un jeu sur la table en disant « ça y est, t'as une heure, fais quelque chose ». Je ferais peut-être quelque chose, mais ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. C'est, par exemple, ouais, un Monopoly. Mais non, ça vient, ou ça vient tout seul ou ça ne vient pas. C'est comme une BD. Peut-être, ou, ouais. Voilà, c'est... Après, c'est pas, alors, je ne veux pas dénaturer la BD, mais il y a une... Je dirais qu'il y a une mécanique, il y a une jouabilité, tout ça. C'est juste que tu dois éprouver. Enfin, il y a des tests. Il y a plein de testeurs qui sont remerciés. Alors, oui. Alors quand on crée un jeu, évidemment, donc il y a l'idée de base, il y a les mécaniques de base. Après, il y a les tests. Il faut créer, il faut imaginer l'objectif du jeu. Il faut imaginer la façon dont on va y arriver. Il faut imaginer la mise en place. Donc ça, c'est voilà. J'ai très rapidement imaginé le jeu avec 3 decks. Donc avec un deck de personnages, puisque y a plein de personnages dans La Petite Mort. Il fallait bien les faire mourir. Donc pour les faire mourir, il fallait qu'il y ait des événements. Donc tout naturellement, je me suis dit, il me faut un deck avec des cartes d'événements que je vais ajouter sur mes personnages. Puis après, il faut la façon de les tuer. Puis là, j'ai pensé au troisième deck avec les cartes fauches où on va chercher des symboles qui permettent de tuer le personnage. Donc ça, c'est la mécanique qui s'est construite tout doucement. Et puis, sur mon premier jet du jeu, voilà, j'ai sorti un jeu avec 110 cartes qui se jouait en à peu près une heure. Et il est venu à Paris. Il est venu à Paris j'ai testé le jeu. Qui ressemble quand même, il ressemblait déjà beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui, avec il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même, on a déjà pu faire une partie avec le même système, avec les 3 humains à devoir faucher, etc. etc. Et au bout de la fin de la partie, il m'a demandé ce que j'en pensais, et moi je notais un peu des idées de choses qui me convenaient, des choses que je trouvais très bien, d'autres choses que je trouvais moins bien, etc. Et on a fait un petit débrief, puis après il est parti, puis il a retouché le jeu. C'était quoi ton rôle justement dans le jeu? Donc à part tester, faire des remarques, mais positive, genre, constructive. Genre le connard. Ouais, ouais, ouais, pas mal. Ben non, mais moi j'étais de loin. En fait, je suis devenu beaucoup plus acteur à partir du moment où Lumberjack est rentré dans le truc. Mais il faut dire que on était tous les deux comme deux cons avec Edge. Hein. On était un peu laissés à l'abandon. Donc du coup, ça avançait peu à part faire des mails. Trois ans. Donc du coup, voilà. Mais à partir du moment où on m'a demandé, moi, je jouais et je disais, là, il me manque un truc. Là, peut-être me manque un truc. Mais moi, vu que je suis pas, enfin, je suis gamer, mais je sais pas créer des jeux. Donc du coup, je pouvais pas dire plus que là. J'ai l'impression que là-dessus, avant, il y avait un peu plus de technique pour avoir les autres. Là, j'ai l'impression que c'est plus simple à jouer, mais voilà. Et puis les vannes et les personnages, voilà. Là, j'étais complètement libre sur ce que je mettais dans les personnages. Attends, on a une question. Comment tu t'intitules? Quelle est ta question? Ce qui me posait question, c'était juste pourquoi Edge est venu vers toi, François? Ça m'intriguait. Et ils sont venus vers Davy. Et toi, t'es allé vers François. Davy, t'es allé vers Edge. Alors, non. En fait, c'est encore plus bizarre. C'est-à-dire que je vais tous les ans au TGS à Toulouse. Le patron du TGS est ami avec les mecs de Edge qui sont de Toulouse. Le gars, il me dit « Hey, faut à tout prix que je te fasse rencontrer mes copains qui font des jeux. » À peu près comme ça. Et je dis « Ok. » Et je les rencontre. Et on fait « Ah, bonjour, bonjour. » Voilà. Et puis après, ouais, chocolatine, poche, tout ça. La chocolatine dans la poche. C'est moins ça. Ouais. Et du coup, on discute rapidement. L'autre, il lui dit « Il a une BD qui est super connue. » Je lui dis « Bah moi, j'aimerais bien faire un jeu. » Il me fait « Mais carrément !» Je fais trop bien. Et d'abord, il m'envoie des jeux de société qui étaient à eux. Et c'était des jeux sur lesquels on pouvait mettre la licence de la petite mort. Gloom et Flux. Flux et Gloom. Flux. Ils ont un mec pour les noms de jeux chez les... Flux, je trouvais ça rigolo parce que vu que les règles changeaient tout le temps, je me suis dit ça pourrait être marrant pour la petite mort en mettant que des trucs à base de mort, etc. Et puis, puis après, ils ont fait « Ah non, on a trouvé quelqu'un !» Je fais « Ah ok. » Et voilà. Voilà en gros comment ça s'est fait de manière chelou. Non mais enfin, c'est organique tout ça. Tu vois, c'est organique, on n'a pas la main dessus. Donc ouais, donc les échanges, etc. Est-ce que tu as travaillé des illustrations? Est-ce que tu as travaillé des vannes? Est-ce que tu as fait des choses? Je pense qu'il faudrait peut-être dire à ce moment-là comment Lumberjack est rentré dans la boucle. Parce que tant que Lumberjack n'était pas dans la boucle, il se passait vraiment pas grand-chose. Rien. Alors attends, donc ok, on résume. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a un jeu qui a été testé plusieurs fois. Un prototype. On l'a testé 2-3 fois. Et après, on envoie des mails et personne nous répond. Voilà. Chez Edge. Pendant 3 ans. J'ai plus personne. À peu près. Voilà. Voilà. Et là, Lumberjack intervient. Comment? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout à fait. À un moment donné, alors, Edge. Qu'est-ce qui se passe? Edge se fait racheter. On est en quelle année? 1978, je crois. C'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Giscard d'Estaing est encore président. Ouais, 2015-2016. 2017. Bon, bref. Bref, Edge se fait racheter et ils ont comme information, ils n'ont plus le droit de sortir de nouveaux jeux. Donc tout s'arrête. Donc ils sont plus éditeurs de nouveaux jeux, ils font que de la traduc. Donc la petite mort se retrouve dans mes étagères de proto et apprend la poussière. Et l'année dernière, je vais à Essen avec quelques-uns de mes prototypes. C'est quoi Essen? Oui, c'est quoi Essen? C'est un très gros salon en Allemagne du jeu de société, uniquement du jeu de société. Et c'est pas dans l'Essen? Non, absolument pas. Donc je vais en Allemagne avec ma petite valise et 3 ou 4 protos. Ah ouais, c'est pas vraiment, quand il dit dans l'Essen, moi je croyais que c'était un professionnel de jeu dans l'Essen, et après il dit c'est en Allemagne, donc dans ma tête ça fait ah. Voilà. Non, c'est la ville d'Essen. Ah, Essen. Essen. Dans l'Essen. Yeah. Ah non, et donc ouais, Düsseldorf. Donc je vais avec 3-4 protos présenter mes jeux à des éditeurs. Et puis j'emmène en fait mon proto de petite mort juste pour montrer que je peux faire des choses sur mesure, sur commande. Tout simplement, ça ne servait qu'à ça, pas à la vente, puisque pour moi c'était un petit peu mort. Oui, c'était un peu mort. Merci. Et donc merci. Et c'est là que je rencontre les gens de chez Lumberjack Studio. Voilà. Et là, subitement. Non, mais là, je commence à présenter mes protos, ils sont fous, mais alors comme de l'enquête. Mais tu vois, hop. Restitution. Je reprends à quel moment là? Oui, donc au moment où tu arrives sur le stand. J'arrive et je te dis, non, mais bonjour, enchanté. J'ai merde, quelques jeux. Je faisais un tweet, les gars, là, sérieux, ça fait une demi-heure. Non, en gros, François arrive, il est présenté par Nicolas Baudard, hein, qui est aujourd'hui éditeur de Méchant. Ouais, donc Nicolas... Arrête, ça peut être écouté après. Oui, c'est vrai. Non, Nicolas Baudard nous présente... En fait, Nicolas Baudard, à la base, voulait éditer La Petite Mort. Donc en fait, François vient présenter, il avait un catalogue de jeux, et il a plus ou moins volontairement laisser La Petite Mort dans le sac sans le montrer, oui, etc. Parce que Nicolas voulait l'éditer, en tout cas il était très intéressé. Et au moment où il ouvre son sac pour prendre son petit catalogue avec tous les jeux qu'il a créés, en tout cas qui sont en développement, je vois le cercueil au fond du sac. Et je dois l'avouer, en fait, tous les jeux qu'il m'a présentés, à chaque fois, je tournais la tête jusqu'au sac. Enfin, il y a un moment, il va me le sortir. Et il a fallu que je le demande. Donc, j'ai demandé la boîte. Moi, j'étais, pour la petite histoire, je travaillais déjà avec Delcourt. À l'époque, 2 ans avant, j'éditais des figurines de collection. Que des figurines de collection avant de faire du jeu. Et en fait... Ouais, un peu plus de 2 ans avant, Sébastien Le Foll, qui est responsable des licences et droits chez Delcourt, m'avait offert le tome 1 de La Petite Mort, ce qui m'avait fait découvrir La Petite Mort. J'avais acheté tous les tomes depuis, donc je connaissais bien le truc, mais l'histoire, ça partait de chez Delcourt à la base, et je trouvais ça assez marrant. Et il a fini par me présenter le jeu, je prends la boîte, il m'explique, etc. Et donc je lui demande si je peux garder. Il était vraiment embarrassé parce que bon, oui. Voilà. Et puis le premier truc que je fais, c'est que j'envoie une photo à Sébastien, justement de chez Delcourt. Je fais tiens, regarde ce que j'ai dans les mains. Et puis oh, je voulais te le présenter, etc. Enfin, bon, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et le soir, on a testé le jeu. Et il y avait, c'était pas parfait, oui, c'était super long. Il y avait les conditions de fin de partie, etc. C'était, il y avait du détail, mais voilà, c'est sur la mécanique. Mais je voulais le faire en fait en une soirée. J'ai signé un jeu. Il y avait Peanut Club aussi qui s'est fait. Mais... Et en fait, voilà, donc. Et le lendemain matin. Il est dans sa tête. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et le lendemain matin, j'envoie un message à François et j'envoie un message à Nicolas. Et Nicolas, d'abord, et j'ai vu Nicolas et je lui dis voilà, j'aimerais vraiment faire La Petite Mort. Et je lui dis ce que je te propose, c'est soit toi tu le fais, et puis bon, bah, on oublie, et puis voilà. Et puis moi, je te mets en contact limite avec les mecs de Delcourt. Soit je le fais et tu bosses en tant que développeur dessus. Et donc voilà. Et il a pris la deuxième solution. Parce qu'à l'époque, en plus, il était en train de se créer, etc. Il avait qu'un seul jeu signé, tout ça. Donc voilà. Il créait en fait Mushroom Games. Non, mais en fait, il était en train de créer sa boîte d'édition, sa structure d'édition. Question newbie, c'est quoi un développeur? En fait, le jeu, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand tu es auteur, des fois, tu peux juste avoir des idées. Parfois, tu arrives. Non, mais tu. Non, mais c'est vrai, des fois, ça peut. Des fois, tu peux avoir des idées et tu sais pas comment les mettre en volume, quoi. Que ce soit auteur de BD ou auteur de jeux de société. Si on voit pas les défauts, on est dessus tout le temps et il y a plein de choses qui nous échappent. Moi, j'ai le même problème. Je joue beaucoup aux jeux vidéo où j'ai énormément d'applis. J'ai des idées d'applications. J'en ai eu plusieurs et je ne sais pas comment le faire. Alors, des fois, je fais des appels sur Facebook. J'ai une idée d'un jeu. Mais je sais pas le faire. Et bon, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais marché. Il n'y a que des gens qui ont commencé des trucs et puis ils sont barrés. Ouais. D'ailleurs, j'ai une idée d'application. Non, mais vraiment, j'ai une idée d'application. Je suis sûr qu'elle peut marcher. Et voilà, s'il y a des programmeurs ou des gens qui... Voilà. Hein ? Un chinois ? Et c'est un petit oiseau jaune. Et voilà. Avec des cactus. Donc un développeur, dans la BD, on appelle ça un scénariste, c'est ça ? Non, tu me laisses finir, oui. Bon. En fait, il y a, bon, y a des auteurs qui arrivent vraiment à bosser tout seul, il y a des auteurs qui n'arrivent pas à bosser seul. Faut le temps de trouver la poche. Hein. Chocolatine dedans, je pense. Et parfois, il y a une panne sur un jeu, on n'arrive pas à le développer, etc. Et on fait appel à des développeurs. En fait, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, le jeu fonctionne pas, il tourne pas. C'est jamais la même. Des fois, t'as jamais la même partie, pourtant t'as les mêmes règles. Enfin, un jeu, ça se règle, quoi. Enfin, François va être le premier à le dire. Hein. Il y a énormément de jeux qui sont, avant d'être testés, c'est essentiellement des tableurs Excel, quoi. Enfin, c'est surtout des jeux de probabilité. Enfin, il y a beaucoup de travail avant de tester la première partie. Et il y a des gens dont c'est le métier d'être développeur. Nicolas l'a fait avant pour Morning Family à l'époque, quand il travaillait pour eux. Et puis là, c'était surtout pour pas le... Je pense qu'on aurait très bien pu bosser avec François. On a beaucoup d'ailleurs bossé en binôme sur La Petite Mort. Et c'était aussi pour garder Nicolas dans la boucle, pour être réglo, quoi. Il voulait être l'éditeur du jeu. Je voulais pas le mettre non plus de côté parce que je l'apprécie. Enfin voilà, donc c'était vraiment pour être réglo. Mais développeur, le métier de développeur aujourd'hui, c'est un métier qui commence à se démocratiser parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de petits éditeurs. Je crois qu'il y a plus de 70 éditeurs qui sortent qu'un jeu par an. Sur ces 70-là, il y en a par, enfin, je ne sais pas combien qui sortent leur seul jeu. Enfin voilà, donc c'est énorme. Et donc il y a besoin justement de développeurs pour aider les auteurs avec ces éditeurs qui ont peu d'expérience. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je pose une question sérieuse. Mais complètement. Une réponse sérieuse. C'était chouette. Vraiment. Donc paf, il achète. Bam. Et là, d'un coup, la machine se met en branle. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut tout faire. Il faut tout refaire. Il faut tout tester, il faut tout retravailler. Il faut bosser, ouais. Il faut bosser vraiment, ouais. Donc ça a duré. Ça a été un enfer. Ah ouais. Il est infernal. Non, chiant, mais avec le sourire. Chiant avec le sourire. Non, non, c'était, non, ouais. c'était cool, mais on a passé. Il venait souvent à Delcourt. On refaisait des parties. Après, il posait des questions sur les gens qui achetaient la BD, l'âge, etc. Quand j'ai dit l'âge des gens qui regardaient le dessin animé. Du coup, il a dit, il faut tout changer. Du coup, tu as dû repartir. Ah oui, non, mais là, on avait déjà développé depuis des mois. On avait fini, le jeu était quasiment terminé. Et là, il nous appelle. Il fait, je reviens de chez Delcourt. Ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas. Mais avant ça, en fait, ce jour-là, je fais tester à Davy. Il surkiffe. Il dit, ah putain, c'est cool, c'est tactique et tout. Et pendant la partie, en fait, je pose une question et je fais... Là, c'est ma faute complètement. J'avais jamais posé la question avant. Et sur l'âge du lectorat, en fait, la répartition. Et là, il me répond 12-18, la majorité des lecteurs. Là, j'ai réagi comme vous là. Rien, il s'est rien passé. À ce moment-là, j'ai fini la partie, je suis rentré. Et dans le train, j'envoie un message à François. Je fais bon, là, c'est pas bon du tout, ça craint du boudin. Parce que clairement, c'était pas du tout orienté vers la clientèle. C'était un jeu de gamer. C'était vraiment. Ouais, c'était vraiment un jeu de gamer. C'était tactique, quoi. C'était, fallait vraiment réfléchir. La partie durait facile, une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Et là, t'as dit, en fait, il faut qu'on simplifie et que la partie fasse 20 minutes. Et là, j'ai... Donc, petite parenthèse, les jeunes ils peuvent pas réfléchir, c'est ça ce que tu essayes de dire. Enfin, je veux pas non plus. J'ai rien dit. Soit. Donc, il a fallu tout refaire. Enfin, remettre tout sur la table et sortir un jeu un petit peu plus. Enfin, il fallait que ce soit plus fluide. Déjà, c'était du tour par tour à l'origine, en fait. On jouait chacun son tour. Il fallait le cahier des charges à changer. En fait, le vrai cahier des charges, on l'a mis en place après des années de travail. On s'est dit, maintenant, on va faire ça. Ah ! Et donc, on s'est remis à retravailler là-dessus. Et l'objectif, c'était un jeu qui se joue en 15-20 minutes. Beaucoup plus fluide, dynamique. Et puis là, on s'est vraiment mis au boulot. Et chaque semaine, on taffait sur toutes les pistes qui étaient possibles. On a changé beaucoup de choses. Dès qu'on change le moindre détail dans un jeu, ça peut tout changer. Et on a changé beaucoup de choses en même temps. Donc, c'était vraiment, vraiment un travail de réglage qui a été important avec beaucoup, beaucoup de tests. Et pour moi, le dernier test qu'on a fait... je trouvais le jeu cool, mais il y avait un truc qui me gênait. Et j'arrivais pas, je suis pas créateur de jeu, du coup je savais pas comment dire. Mais en fait, souvent, on se retrouvait à ne pas pouvoir faucher dans le jeu. Et je me suis dit, c'est con parce que une partie où j'ai pas fauché pendant trois tours quasiment, et mes potes jouaient et moi je jouais pas. Du coup, là, c'est vraiment la base du jeu où tu fais genre. Je m'emmerde un petit peu, là c'est con. Et j'avais juste dit ça, et voilà, je me dis, voilà. Puis après, le jeu allait sortir et tout ça, et j'ai reçu la boîte du jeu. Et quand j'ai reçu la boîte du jeu, j'ai découvert qu'ils avaient rajouté un truc qui n'était pas avant dans le truc, c'était des tout petits pions. Les petits jetons. Les jetons d'Espower. Et là, c'était exactement ce qui manquait pour que quand tu pouvais pas jouer, tu joues quand même et tu sois actif. Et là, le jeu était bien fini, quoi. J'avoue, j'avais peur avant que le jeu sorte. Et là, j'ai fait « Ah, c'était exactement ce qui manquait. » En fait, justement, suite à ça, on avait les mêmes problèmes, en fait. Et puis, t'étais pas le seul à le dire, etc. Et il faut savoir qu'avant d'arriver à ces jetons-là, avec François, c'était des heures de discussion, en plus. C'est un truc qui est tout con, avant de trouver l'idée, on s'est dit « On rajoute une carte fauche, on enlève une carte fauche, on donne la possibilité. » C'est les petits punchs qui sont au fond de la boîte. Ils sont pas. Ah, tu les as fait voler. Non. Tu t'es fait voler ? Ah, ils sont dans le sachet. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est ça. Il faut savoir que, par exemple, sur un petit point comme ça, sur une mécanique qui fonctionne mais qui n'est pas aboutie, parfois, c'est des heures de discussion, c'est des tests. Je me souviens d'une soirée où, avec mon associé, on a fait... Vous voyez ? C'est petit, hein. Ça a sauvé le... je me souviens d'une soirée où on a fait 17 parties avec mon associé, non-stop, où on faisait aussi le troisième et quatrième joueur. Pour tester à 3 et 4, etc. C'est juste totalement démente. À la fin de la soirée, on n'en pouvait plus. Mais le lendemain matin, on s'est appelé avec François et ça a débloqué certaines choses. Donc, des fois, le développement, c'est ça aussi. Question bête. Tu dis, ouais, on a joué à Delcourt. Quelle était la part de Delcourt ? Petite parenthèse, Delcourt, c'est l'éditeur qui a édité La Petite Mort. Donc, il y avait les droits de La Petite Mort. Quelle était la part de Delcourt ? Comment ils sont intervenus ? Est-ce que. Ou s'ils vont juste héberger pour des parties ? Non, pas tant. Ils ont signé les contrats, ils ont pris des sous. Un peu au début, et puis maintenant qu'on en vend, ils vont en prendre plus. Ouais, voilà. Ils nous ont mis en relation, quoi, en gros. Même c'est... pas. Non, ouais. Enfin bon, c'est... Non, si, avec toi, mais ouais, voilà. C'est un peu comme un Mac, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils sont beaucoup, quand même. Hein. Ouais, ils sont beaucoup. ils sont beaucoup pour une. Alors, ce qui est cool, par contre, sur ce jeu, effectivement, donc vous avez testé à mort. Ce qui est intéressant, c'est que la mécanique du jeu, elle reprend vraiment la mécanique de la BD. Donc, on n'est pas vraiment sur un collage de licence. On reprend les personnages sur un jeu lambda, mais on reprend vraiment la mécanique du bouquin. Ça, c'est fort, ça. Ouais. Non, mais je suis hyper fier de ce jeu. Là, cette année, je vais sortir 3 jeux de société. Il y en a un qui va sortir en février. Il y en a un que j'ai complètement écrit, que j'ai fait tout seul. Mais c'est juste un jeu débile, donc ça va, je pouvais faire le truc. Et j'ai fait un autre jeu chez un autre éditeur. Le problème, c'est que je n'ai pas été suivi pour le développement. Et ça fait que c'est moi qui ai inventé la règle. Et puis, quand le jeu est sorti, je me suis dit, mais ça ne marche pas. Et je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit il faudrait changer un peu la règle, j'ai eu une idée, il faudrait rajouter ça et ça sera déjà beaucoup plus simple. Non, trop tard, c'est imprimé. Ah. Et je fais mais oui, mais le jeu il marche pas. Mais c'est pas grave. Et du coup, là j'ai vraiment l'autre truc avec la petite mort où je me dis là le jeu c'est un putain de vrai jeu de société quoi. Et qu'il y ait la petite mort dessus ou pas, on s'en fout, c'est un bon jeu et c'est trop cool parce qu'en plus. C'est un jeu tiré de ma BD finalement, donc du coup je suis encore plus content quoi. Et j'ai pu mettre des vannes. Au début, il voulait pas que j'ai des vannes méchantes. Et au bout d'un moment, plus j'en mettais, des fois il en laissait passer. Au début, il disait non, c'est pour les enfants, faut pas être trop. Et moi, je poussais, mais comme toujours avec la BD tout le temps ça. Quand mon éditrice me dit non. Et dans le dernier, là, j'ai fait Martine. Ah, tu l'as pas le Martine essaye la plongée sous-marine. Il est là. Ouais, et tu vois, ça c'est des trucs. On me dit non deux fois, et après je le mets quand même, et après ça passe quoi. En plus c'était un hommage, parce que c'est cette année-là où ils ont trouvé qu'il avait tué, donc... mon chat a bougé. Non mais je vous assure qu'on voit vraiment chez lui dans sa montre. Ce moment est bizarre. Moi le mien il bouge plus. Ouais, non. J'ai pas de notif ce soir. On va nous envoyer l'SPA, ça va pas tarder. Donc du coup, tu as répondu vaguement, mais tu n'as pas dit. Quelle était ta part d'intervention dans ce jeu? Des vannes. Les vannes. Le tir. Les vannes et les personnages. Et les personnages. Quand il était arrivé avec le jeu, c'était des personnages qu'il avait inventés. C'était des humains lambda. Moi, je me suis dit, vu que dans la BD, il y a énormément de références geek, de références sur la vie, etc. Pour moi, il fallait mettre des vrais gens. Des vrais gens morts ou qu'on a envie de tuer en fait. Donc, justement. Donc ça c'est le deck. Ça c'est le deck. This is the deck. Ouais. Voilà. Donc on commence avec cette première carte. Ça c'est moi. Voilà. Un David Mourier. Est-ce que tout le monde voit bien? Au fond, toi là-bas au fond, avec ton téléphone, hein? Ouais. Donc voilà. Donc c'est des petits personnages. Donc eux, on les fait, on leur associe des petites cartes. On les fait évoluer, on les fait grandir, on les fait. Ils sont enfants, on va dire, au départ. Et quand on met des cartes, ouais, c'est ça. Après, ils deviennent ados, adultes et vieux. Et après, il faut les emmener sur leur ligne mort pour gagner tous les points. Ou, si on a un adversaire un peu. L'adversaire peut le faucher en plein milieu de sa vie et te voler les points. Voilà. Alors, donc j'ai envie de dire, c'est pas un peu glauque quand même de se représenter en sachant que ça va. Je meurs deux fois dans mes albums. Hein. Et une fois en dédicace, quand quelqu'un, je lui dis, en plus c'est un truc que j'ai fait en vrai, la personne elle a trouvé ça un peu glauque quand j'étais en dédicace à Annecy. Le mec, je lui dis, t'as de la chance, c'est ma dernière dédicace. Elle va valoir de l'argent. Et il m'a dit, ah bon, t'arrêtes après? Je fais, non, je me tue. et je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans la BD, ça, c'est drôle. Voilà. Et donc, ouais, deux fois. Donc, du coup, ouais, bon. De toute façon, je vais mourir à un moment. Mais complètement. Et Delcourt sera content. Oh, bah, sûrement. C'est enregistré, c'est ça hein. Non, mais avec un peu de chance, t'en vends plus. Avec un peu de chance. Est-ce qu'on a un François? Est-ce qu'il y a une petite carte François dedans? Non. Désolé. Est-ce que t'es jaloux? Il y a un clin d'œil. Oui, il y a une vanne sur les... Mais en fait, je l'ai. Je l'ai. Oui, suite à l'affaire Nostromo dont on parlait au début, j'ai envoyé un message à François, je lui ai dit il faut qu'on crée une carte de jeu de société, auteur de jeu de société avec une corde. Et on en a mis deux. Voilà. On a mis deux cordes. Ah, quoique elle existait peut-être, et qu'au moment de Nostromo, on a dit on rajoute une corde ou un truc comme ça. C'est la carte. Voilà. Je suis auteur de jeux de société. J'ai envie de me suicider. Ouais, voilà, c'est ça. Il a envie de se suicider. Deux fois. Les personnages. Donc des personnages morts, quasi. Hein. Ouais. Batman. Ouais. Hein. Ouais, bah. Il y a des fans dans la salle. Oui, non, alors, Batman, c'est juste que j'avais envie de le dessiner. Ok. On a Hitler. Oui, parce que Hitler, on voulait garder pour plus tard. En fait, j'avais mis Hitler. Il y aura une suite, c'est ça ? Ce que tu essayes de dire ? Ah ! Une extension ! J'ai pas dit ça. Il a dit ! Si, j'ai dit ça. C'est pour quand ? J'envoyais plein de messages hier avec François avec ça. Non, mais ouais, on travaille déjà avec François là-dessus. Il y a un fort potentiel avec des gens qui ont déjà tué des gens, quoi. Ouais. Il y a des choses à faire, oui. Il y a des choses à faire. Est mort. Enfin, non, parce que j'ai bien envie de pouvoir mettre Trump et un mec de la Corée du Nord, quand même. Oh, ils sont un petit peu morts quand même, quoi. Enfin, ouais, peut-être. Ouais. Trump, j'ai déjà mis dans un autre genre. Ah oui, Trump, ouais. Bah non, mais c'est bien. Ouais. Lui, c'est qui ? C'est Ludo, c'est le pote de la petite mort. Dans la BD. Avec un t-shirt Nerds. Et il a toujours eu un t-shirt Nerds, même dans le dessin animé, il a un t-shirt Nerds. Il y a des gens qui ne doivent pas comprendre pourquoi, mais ça, c'est mon truc, c'est ça qui a lancé ma carrière, donc... Voilà. D'ailleurs, il y a des posters partout, autopromo, j'ai l'olé faux sur vos tombes. J'ai mis dans mes BD derrière, dans le fond, il y a tout ce que j'ai fait, même des fois en avance. Il y avait des posters reboot avant même que la série n'existe. Titeuf vieux. Titeuf vieux, ouais. Bah, t'aimerais que ça arrive un jour. Bah ouais. Voilà. Je sais pas. Bah si, parce qu'il vit jamais, putain. Bah ouais. Si, comment ça c'est, comment ça a passé, il a passé une étape là. Ouais, c'est ça, tu crois, t'achètes sur la couverture, puis en fait c'est exactement pareil. Ouais. Pikachu boulimique, c'est quoi cette histoire ? Alors, c'est parce que dans Pokémon Go, il faut prendre des Pokémon et il y a des bonbons. Tu donnes les bonbons au Pokémon pour qu'il évolue. Mais là, je me suis dit, si c'était vrai bonbon, ben, il serait obèse, Pikachu. Et c'est pas des framboises dans Pokémon Go ? Non, les framboises, c'est pour les calmer, pour pouvoir qu'ils rentrent dans la Pokéball. Ah. Il a jamais joué. j'ai eu Celebi aujourd'hui. Voilà. C'est un Pokémon très rare. J'ai dû arrêter la dédicace. On est sorti parce qu'il y avait un Pokémon. Et je suis allé attraper deux Pokémon psy. Et après, j'ai pu avoir Celebi. Et après, je suis retourné dédicacer. C'est pas une drogue. Alors, Bob l'éponge et Bob Marley. Mais du coup. Ah, ça, il vient de comprendre. Je viens de comprendre. Ah, voilà. Ouais. Du coup, Stefan Hillenburg, le dessinateur, est décédé donc la semaine dernière. Ah, mais ça, je savais pas. Oui. Bah, il était pas encore mort quand j'ai dessiné, quoi. Ouais. Est-ce que tu portes la poisse ? Est-ce que vous portez la poisse ? Ah, tu sais que j'ai une anecdote ? Vas-y. Est-ce que vous voulez une anecdote ? ma deuxième BD, qui s'appelle Moirf, est sortie en 2009. Et non, pas Moirf. Il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois. Quand on faisait le recto verso, de l'autre côté, il y avait une BD qui s'appelait Papa, Maman, une maladie et moi, qui parlait de mon père qui se faisait mettre une caméra dans le cul. Voilà, une coloscopie. Sauf que je faisais une vanne et je disais que c'était comme surprise, surprise. Et donc j'avais pris une photo de Marcel Béliveau qui sortait de l'anus de mon père et qui faisait c'était pour surprise, surprise. Voilà, voilà. Et mon éditrice de l'époque me dit, enfin, Davy, c'est chaud, on peut pas mettre se moquer d'un mort comme ça dans la BD. Et je lui fais, mais il est pas mort, Marcel Béliveau. Elle me fait, ah bon ? Elle va sur Internet, elle fait, oh oui, pardon. On sort la BD, le mec meurt. Et là, vraiment, j'ai fait, wow. Donc, écoute, peut-être que c'est une malédiction. Ça vient peut-être du cul de ton papa. C'est sûrement l'anus de mon papa qui fait ça. Il porte malheur. Donc ton papa, d'ailleurs, et on l'apprend dans ce tome 1 édition extended de luxe, ouais. Qu'on apprend que du coup, c'est ton papa qui est à l'origine de la petite mort. Bah, petite parenthèse culturelle. Oui, oui, parce qu'il a fait un infarctus et un AVC en même temps, un petit combo, en 2009, d'ailleurs. Ah, oh, bah tiens, beaucoup de gens en 2009. Et du coup, il s'est retrouvé pendant 3 jours à l'hôpital avec un caillot énorme dans le cœur. Et les médecins nous ont dit, voilà, on met un liquide qui réduit le caillot. Franchement, il est gros. On va attendre 3 jours. OK. Et pendant 3 jours, bah, on va attendre. Et du coup, tu es chez toi. Moi, en plus, ils étaient en Ardèche. Moi, j'étais à Paris. Tu as le temps de rien faire déjà. Et donc, je griffonnais la mort parce que je suis un mec vraiment cool, comme toi. Voilà. Et j'arrivais pas à la dessiner adulte. Et du coup, je la dessinais petite. Et après, je me suis dit, ah, c'est la petite mort. Et je me suis dit, ah, la petite mort, c'est l'orgasme. Et j'ai gardé ce truc-là en tête. Et quand mon père est sorti de l'hosto, grâce à la lune, Veux-tu nous raconter cette anecdote? Alors c'est un hôpital en Ardèche, donc je sais pas s'ils sont hyper compétents les mecs, mais en gros, mon père doit rester 3 jours à l'hôpital et peut-être il meurt. Le deuxième jour, le médecin appelle ma mère, elle reçoit dans le bureau et il lui fait « Bon, bah, votre mari peut sortir. » Et ma mère lui fait « Bah, mais on devait pas attendre encore un jour. » Non, mais le caillot a disparu. » Le caillot est parti. Oui, comme son voisin de chambre qui avait un caillot dans la jambe aussi, le caillot est disparu. La même nuit. Et ma mère a fait « Pourquoi ?» Le mec a fait « Le changement de lune, peut-être. Je... » Scientifique. Et donc, ma mère est sortie avec mon père de l'hosto avec comme résultat, peut-être le changement de lune. On se l'explique pas. Et voilà. Les airs médicaux, un vrai sujet. Et du coup, bah, tout va bien, à part que... Ouais, enfin, il est devenu relou, mon père, mais parce que passé à côté de la mort, après, il se dit qu'il est mort, tout ça. Enfin, bref, la fête. Mais ouais, il est normal, tout va bien, ouais. À cause de la lune. Ou grâce, ouais, grâce. Merci la lune. Merci la lune. Donc, après, donc, il y a des petits personnages. Après, on a des petites cartes, ce sont les petites cartes auxquelles on rajoute là, ces éléments de vie. Donc, on a eu celui de François, hein, je suis auteur de jeux de société. Et on a celui de la BD, où on a un... je l'ai écrit, j'étais en Belgique, celle-là. En dédicace en Belgique. Nos amis les Belges, qu'on salue ce soir encore. Je suis fan de BD à tel point que j'ai un petit tabouret spécial et un sac à dos spécial, rien que pour les séances de dédicace. Ils étaient mais relous avec leur queue, leur sac à dos géant, leur petit tabouret, comme ça à s'asseoir, ils savent même pas ce que tu fais. Ils achètent la BD pour Si tu meurs peut-être et la mettre sous un plastique. Ouais, j'étais un peu saoulé. Puis remarque, moi, ils m'emmerdent pas trop parce que je dessine pas des femmes à poil. Ah, on a une question. Auteur de jeu. Ouais, je pense qu'ils sont... Il n'y a pas de statut. Ouais, alors, faut répéter la question. Répéter la question. Qui a le statut le plus pourri, l'auteur de jeu ou l'auteur de BD? Je pense que c'est l'auteur de jeu parce que c'est un truc qui est un peu plus récent. Okay. Et je pense que du coup, il y a encore moins de lois. Goscinny n'est pas passé par là, donc vous faites plus savoir, quoi. Non, il n'y a pas de statut du tout, d'ailleurs, en fait, pour l'instant. Donc le monde des auteurs se bat justement pour créer un statut, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et donc, il n'y a pas plus pourri, donc. En fait, le truc que je voulais dire aussi, c'est que même l'éditeur de jeux de société n'a pas de statut. En fait, ouais. Sur les plus de 110 ou 120 éditeurs qu'il y a en France, il y a, je ne sais pas si vous savez, quand vous déclarez une société, vous lui donnez un code qui identifie ce que vous faites. Et il y a, je crois, 14 codes APE différents pour les 110 éditeurs en France. Donc en gros, quand nous, on crée notre société, moi, j'ai fait faire par mon comptable et il m'a dit qu'il ne connaissait pas, lui, il ne connaissait pas, et il ne savait pas quoi faire. Il dit, je fais quoi? Je mets quel code? Je vais... Alors, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc voilà, on a choisi un régime général, etc. Mais quoi qu'il arrive, déjà, les éditeurs de jeux de société, déjà, ne savent même pas quel statut ils doivent avoir. Donc déjà, c'est chelou. Alors, imagine l'auteur derrière. Et voilà. Quand j'avais 20 berges, je suis allé à l'NPE en Ardèche. C'était la NPE encore à l'époque. Et quand j'ai dit ce que je faisais des trucs radio, tout ça, machin. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais j'ai pas de case pour ça. J'ai dit, je sais pas. Et il me regarde, il me fait, ça vous va, artiste de music hall? Et j'ai été enregistré comme artiste de music hall en Ardèche. J'ai reçu aucune demande d'emploi. Question annexe, du coup, qui sont les plus relous, les éditeurs de BD ou les éditeurs de jeux? Mais moi, le problème, c'est que t'as jamais fait de BD. Bah non, donc. J'ai jamais beaucoup fait. Ouais, si, j'ai fait un jeu. Ouais, si, c'est vrai, j'ai fait un jeu. J'ai l'impression que les éditeurs de BD sont plus relous parce qu'il y a un peu plus de pognon à se faire, peut-être. Je sais pas. Mais j'ai quand même beaucoup moins gagné en faisant un jeu qu'en faisant une BD. Enfin, je veux dire, c'est que les billets sont quand même très différents. Ils s'en foutent plus dans les poches, les éditeurs de jeux, quoi. Bah, non, je sais pas combien il faut pour faire un jeu, les marchés sont pas du tout les mêmes, du coup il y a moins, mais quand j'ai fait un livre, chez J'ai lu, c'est l'enfer, enfin t'es payé très très mal, enfin j'ai gagné plus en faisant un jeu de société qu'un livre. On peut en parler? Non, on n'en parle pas, juste le nom, Minitel et Fulgur au Point. Minitel et Fulgur au Point, ouais. Voilà, pour ceux qui sont nés dans les années 70 ou 80. Ouais, c'est un livre, okay, c'est un livre pour les... Qui vous rappelle des souvenirs. Avant, ça marche aussi. Alors, j'ai pas fait trop avant parce que je me rappelle pas. Ouais, l'ORTF. Et c'était bien. C'est les Allemands qui l'ont mis en place. Enfin, les nazis, ils avaient faim d'indien. Mais allons-y. Donc oui, les petites cartes, j'ai petites cartes. Donc les petites cartes, qu'est-ce qu'on a ? Moi, j'ai retrouvé celle de Davy. Enfin, je pense, il y en a quelques-unes, deux qui sont pas mal. La première, hop, tiens. Voilà. Celle où un petit gamer, tout ça, devant sa console. Ouais, hein, c'est pas mal, ça. Il joue à Mortal Kombat. Il joue à Mortal Kombat. Ouais. Et celle-ci, je collectionne les timbres, les chouettes en bois, l'angoisse et les phobies. Je pense que, ouais, hein. Bah, moi, je collectionne énormément de jouets, de trucs comme ça, et je pense que c'est vraiment pour penser à autre chose. Et pas à la mort. Voilà. Mais tu collectionnes ce que tu veux. Oui, voilà. François, est-ce que toi, t'as tes cartes dedans ? Est-ce que t'as des trucs à toi ? Y a rien qu'à toi, avec ton nom marqué dessus, presque. Non, je pense pas. Il y a beaucoup de cartes avec des bases sur le travail que j'ai fait, mais il y en a qui sont restées telles quelles, je pense pas. Je pense qu'il y a le filtre d'avis qui est très bien, qui s'est posé dessus, et c'est parfait comme ça. Donc non, j'ai pas de carte à moi particulièrement. Ah, tu veux dire qu'il s'est un peu imposé, tout ça, il a joué les... Il a tout dégagé, la tour fait. Est-ce que vous êtes frité, un peu, pendant le jeu ? Non. Vous êtes engueulé ? Jamais. Est-ce que vous êtes un peu relou, comme ça ? T'es relou, non ? Alors, ouais. Je pense que des gens peuvent penser que je suis relou, mais juste moi, je suis mon univers. Le dessin animé de la petite mort, j'ai dit, je suis le scénariste, c'est mon personnage. Et c'est des fois, tu vois, la petite mort, il y a des gens qui avaient repris, il y a des gens qui avaient commencé à écrire des choses, et ils faisaient des trucs comme. Vous rappelez cette série La famille Adams ? Enfin, la série, pas le film aussi, mais. Et du coup, il faisait tout le temps la petite mort, genre, elle offrait des fleurs coupées, ou genre, elle faisait, oh, ma mocheté, tout ça. Et je dis, mais c'est pas ça, la petite mort. La petite mort, c'est pas jouer sur le fait que nous, on trouve ça horrible, mais eux, ils se disent, ah, mon horrible femme, tu es tellement moche. C'est pas ça, l'humour de la petite mort. C'est pas ça. Et du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, ça sert à rien d'avoir des scénaristes, parce qu'ils vont jouer avec la mort, mais pas comme moi, je veux jouer avec la mort. Donc, du coup, toutes les vannes autour de la petite mort, j'essaie que ce soit moi qui le gère, qui le fasse. Sur la petite mort, donc il faut que ça soit de toute façon l'univers de Davy. Mais en fait c'est plus dépressif que de l'humour noir. Et du coup, quelqu'un va venir, va faire « Ah, c'est rigolo », il va juste faire de l'humour noir. Sauf que moi, je veux toujours qu'il y ait un petit côté genre... Tu vois ? Voilà. Et donc, au moment de la création des cartes caractères, en fait, c'est, François avait son proto, il avait déjà plein de thèmes, etc. Et sur les 40 cartes, on a repris 20-25 thèmes qui étaient déjà dans le prototype. Moi, j'en ai rajouté 5-6 que je voulais voir, etc. Et puis, Davy a rajouté les siennes. Enfin, tu vois, c'est une dizaine, je pense, à toi tout seul, vraiment, avec le thème que tu as choisi. Et puis, ça a donné toutes les cartes. Mais par contre, c'est Davy qui est repassé par-dessus, qui a mis son filtre, qui a mis sa patte. Des fois, le thème, c'était juste un mot ou deux, trois mots, quoi. Et puis derrière, tu rebalançais un truc. Et même parfois, sur un thème, il partait sur autre chose. Et c'était pas grave dans l'idée. On n'était pas accroché à certains trucs, quoi. Mais oui, il y a quand même, par rapport à ta question, il y avait plus de 20 thèmes qui étaient déjà dans le proto et donc déjà de François à la base, quoi. Qui avait juste un titre. Par exemple, là, on a vu celui en fait, avec le jeu vidéo. Elle existait, cette carte-là. Et c'était à l'origine, sur la carte, c'était marqué je suis un gros geek, je suis un geek. C'est tout. Il y avait pas, c'était juste pour construire le jeu et la mécanique. Après, c'est David qui s'est chargé de la suite, ce qui est logique. D'ailleurs, en parlant de thème, on va y venir. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon, on vous entend pas, là ? Non, je voulais la poser à la fin, mais à un moment, Davy, toi, t'avais fait une vidéo sur YouTube cet été où tu jouais à un jeu où tu posais des questions. C'était un prototype de jeu aussi, où c'était avec ton pote et ta mère. Et les personnes. Il y a une personne qui. J'ai pas beaucoup d'amis, donc souvent je traîne avec ma mère. Chacun a ses amis. On n'a pas de rapport sexuel, donc ça va. Mais c'est... Ouais, non, mais c'est pour ça que je le dis, c'est parce qu'en Ardèche, hein, tu me disais. où il y avait une personne qui mourait, c'était une personne célèbre ou dont la mort était très célèbre. Le jeu s'appelle Énigme mortelle. Voilà. Et il est sorti. D'accord, il est sorti c'est... Ouais. Mais c'est un totalement autre jeu que celui-là, parce que bon, on s'est dit la petite mort. Non, c'est un autre jeu, et en fait, en vrai, ça devait être un jeu. J'ai eu l'idée, je voulais faire un jeu sur les Darwin Awards, et j'ai signé avec ces gens. Ils m'ont dit, t'inquiète, on va avoir le truc Darwin Awards. J'ai fait trop bien. J'ai écrit tous les trucs, et après, on m'a dit, en fait, on n'a pas Darwin Awards. Et là, j'ai fait, mais j'ai écrit toutes les cartes à partir des Darwin Awards. Du coup, à la fin, j'ai dû reprendre le jeu pour rajouter des morts de gens célèbres connus, pour pas que ça soit que Darwin Awards et tout ça. Mais du coup, le jeu est sorti et, a priori, ils sont très contents des ventes aussi. Mais... Non, c'est pas... C'est pas Edge. Donc voilà, mais le jeu est sorti et j'ai un autre jeu qui va sortir en février prochain qui va s'appeler The Game of Dragon Ball Dead. Et la boîte elle est cool, je suis content, j'ai fait tous les dessins aussi et j'ai fait toutes les vannes. C'est que des vannes trash geek. Et sur quoi? Juste sur Dragon Ball ou sur... Non, c'est tout. Il y a un Ewok avec un balai dans le cul pour faire serpillière. Enfin, il y a plein de choses. Enigme Mortel est sorti en un mois avant La Petite Mort. Ouais. Alors j'ai pris les thèmes, moi. Donc du coup, je suis un vrai professionnel. J'ai analysé toutes les cartes. J'ai fait des tas. J'ai pris les thèmes. Le premier thème qui revient le plus, c'est la maladie. Je dois dire, c'est normal. Donc j'ai cancer, chimio, j'ai boulimie, tueur en série, ouais, esprit sain, corps sain, Alzheimer, etc., cholestérol, normal. Parce que, ouais, une bonne flip quand même de la maladie. On sent bien quand même que le cancer, surtout. Moi, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça tellement glauque que je flippais tout seul devant mon écran. Mais en fait, c'est vrai. Hein. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris vraiment les choses qui tuaient le plus de gens en Europe. Donc, du coup, c'est que des trucs qui sont proches de nous. Ok, bah on va y arriver. Le deuxième tas, c'est, et on reconnaît un peu la patte, hein, c'est tout ce qui est dépression. Donc, on a Killer Surprise, le chocolat des gens sous calmant. On a tout ce qui est dépression et maladie psychique, hein, donc les cauchemars avec des dragons, dinosaures ou dragons, dinosaures. Je ne dors tellement plus la nuit que ça m'empêche de dormir. Je suis un peu tristouné du genre avaler une plaquette de somnifères. Le psychiatre, pas mal. Voilà, là on est. J'ai envie de dire, c'est normal. Oui, enfin c'est mon univers. Quoi. C'est ton univers. Ouais. Après on arrive. Alors une troisième catégorie, c'est en fait. La catégorie des gens modernes, je vais passer comme ça, des gens modernes. Donc la carte où j'ai commencé à être flexitarien, je suis devenu végétarienne, mon but c'est de devenir vegan. Voilà, bon, là c'est pas vraiment une cause. Je vise crudivore pour l'année prochaine. Ouais, il vise crudivore pour l'année prochaine. Ouais. Bah je participe au mouvement hashtag on est prêt là, pour internet, pour le climat et tout ça. Et vraiment, je découvre des gens vraiment chelous quoi. Et donc du coup, je m'amuse du monde, quoi. J'adore voyager pour aider les œuvres humanitaires. Qu'importe attraper la lèpre si c'est pour le sourire d'un enfant. C'est les mêmes. C'est à peu près. Remarque de l'éditeur. Scoop. En fait, je crois que c'est la première carte qu'il a écrite, je crois. Et en fait, on utilise un espace internet sur lequel j'ai des notifications chaque fois que je reçois, chaque fois qu'il écrivait quelque chose, je recevais une notification par tâche. Et la première tâche et où je reçois une notification, je lis, je fais ah ouais, j'avais que le texte, j'avais pas l'image, j'avais rien, il y avait que dalle. Et après, il a enchaîné, donc je me suis un peu plus détendu, mais c'était la première. Je fais waouh, il va pas en faire 40 comme ça. C'est bizarre, je trouve pas ça trash parce que c'est vrai. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aiderais pas, peut-être, parce que j'aurais peur d'avoir la maladie, parce que je suis un peu hypochondriaque, ou tu vois. Ouais. Je me dis, si je soigne quelqu'un qui a la lèpre, peut-être je vais attraper la lèpre, peut-être. Et après, je vais mourir, tu vois. Donc, ouais. Du coup, je sais pas, c'est légitime. Je t'ai fait la bise en arrivant. Oui, bah. Tu soignes des gens qui ont la lèpre. Et la troisième dite des gens modernes, j'ai complètement arrêté la clope, maintenant je vapote. Ouais. En fait, tu te fous la gueule des contemporains, là, typiquement. Enfin, tu n'aimes pas non plus. Non. J'ai vu un enfant de 12 ans vapoter. Il était devant son collège et j'ai fait. Mais au moins, fume une clope. Parce que quand même, quand tu vapotes, t'as l'air con. Donc, du coup, quand tu fumes une clope au collège, c'est pour avoir. La classe, elle a l'air cool. Tu vapotes à 12 ans. Il se passe quoi? Il essayait d'arrêter de fumer. Ouais, j'ai commencé à 9 ans, là, faut que j'arrête. Donc on parlait des causes de mort, effectivement, les plus massives. Hein. Donc il y a deux cartes. Les cartes apiculteurs. Je suis le seul apiculteur nudiste du monde et je fais des vidéos sur le net où je suis apiculteur. Pourquoi? Ah, putain, j'ai mis deux fois apiculteur. Ouais. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que j'ai eu une réunion chez France Télévisions. Et on a eu une réunion dans la dernière salle de réu tout en haut de France Télé. Voilà. Je monte et pour aller à la salle de réunion, tu passes devant une mini terrasse où, à mon avis, il n'y a que les gros patrons qui y vont. Et là, il y avait un apiculteur en train de nettoyer les vitres. Il était en habit d'apiculteur et je vois des ruches derrière posées sur le toit. Et l'apiculteur lavait les vitres. Et là, j'ai fait, il y a un apiculteur qui lave des vitres chez France Télévisions. Et là, vraiment, il y a eu un bug dans ma tête où j'ai fait « qu'est-ce qui se passe ?» Quand je suis arrivé en salle de réu, je parlais que de ça, j'ai fait « mais il y a un apiculteur qui lave des vitres, là. » Il me dit « oui, c'est le miel de France Télé que vous vendez. Non, non, c'est que pour les employés. À la fin de l'année, ils peuvent prendre des pots de miel. » Et donc, il y a un apiculteur qui vient, oui. Et puis, du coup, il nettoie, puisque nous, on ne peut pas y aller, puisqu'il y a des abeilles. Eh oui. C'est complètement logique. Et je m'attendais complètement à ça aujourd'hui. Et du coup, je pense que les apiculteurs... Ouais, c'est pour ça que l'apiculteur m'a perturbé, quoi. Quand l'absurde arrive dans ta vie, et que pour des gens, c'est logique, tu vois, tu fais « waouh !» Belle histoire. Et la dernière, voilà, c'est les deux là. Je suis fonctionnaire, je vais vivre longtemps. Je m'emmerde, mais je vais vivre longtemps. J'ai été fonctionnaire pendant 5 ans dans une mairie. Et je me suis emmerdé. Voilà. Et je m'ennuie tellement dans la vie que je me suis mis au yoga. T'en es où le yoga? C'est bon? C'est mon attaque. C'est une attaque pour mon ex qui s'est mis au yoga. Je savais pas, ça donne encore plus. Je la suis sur Insta et là c'est que ça. Je fais, c'est bon. Et ton ex qu'on salue ce soir aussi. Hein? Ton ex qu'on salue ce soir aussi, beaucoup. Vous faites ce que vous voulez. Ok, est-ce que vous avez des questions du coup sur le yoga, sur les apiculteurs, les chats? Avant de boire un verre et de tester le jeu. Mais carrément, il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Ouais. Les gars, ils se font tout petits quoi. Bébert veut poser une question. Tu parlais tout à l'heure que tu avais eu des cartes où tu avais été à moitié censuré, où les éditeurs t'avaient dit de te calmer. Est-ce que des fois tu t'es auto-censuré pour les cartes? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu allais trop loin ou... Au début, il m'a dit, il faut pas que ça soit trash, pas trop trash. Et du coup, oui, pour moi, toutes les cartes que j'ai envoyées, c'était des trucs vraiment safe. Bon, pour moi, tout ce que j'ai envoyé, c'était des trucs vraiment pas... Dans ma tête, c'est... Sauf la première. Voilà, mais le problème c'est que vu que souvent je me rends compte que le soft dans ma tête n'est pas forcément le soft des gens. Quand j'écris La Petite Mort, vraiment souvent je fais je trouve que j'y vais pas assez loin. Et il y a plein de gens quand ils le lisent qui font alors du coup je me dis en fait j'arrive pas à, moi je pense être très glauque au fond de moi du coup. Ah, mais les cartes trash, je les ai jamais écrites. Est-ce qu'on peut faire un truc? Qu'est-ce qu'un DLC? Un DLC, c'est une extension de jeu vidéo. Mais en vrai, à part peut-être faire un truc genre attention, interdit aux moins de 18 ans. Mais je vois pas l'intérêt pour l'éditeur de réduire le marché. En goodie, peut-être. Pourquoi Sherlock Holmes clochard? Je répète la question. Merci. C'est Sherlock Holmes. Alors au début, il devait avoir les noms écrits en dessous. Et du coup, là, tout le monde aurait compris. Et puis finalement, on n'a pas mis les noms. Et alors du coup, les gens, ils disent, c'est bizarre, c'est Sherlock, mais il a un sac en plastique autour de la chaussure. Et moi, je fais Sherlock Homeless. Voilà. Le monsieur demande s'il y a une démo qui est vendue avec le truc, je cite. Le truc. Alors, c'est quoi une démo? C'est-à-dire pour apprendre à jouer ou pour comprendre mes vannes? Je pourrais faire une vidéo où je pourrais chaque truc, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de blague. Ça, il y a une blague. Je vous la dis pas. Cherchez-la, mais là, il y a une blague. Ouais. Ça peut aider. Mais les gens, ils vont dire, et comment ça se joue, ce logo? Non, ça, c'est s'il y a une blague. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. La boîte, elle est super cool. Hein, elle est cool, la boîte. Comme, ouais. Et dès le proto, c'était déjà un cercueil. Ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que moi, je vous écoute. Ouais, exactement. Et c'est venu comment? Enfin, c'est mortel quoi. Ça me semble évident. Donc, ouais, mais c'est tellement évident en fait que c'est génial. Un cercueil. Mais c'est génial. Enfin, voilà, c'est tellement évident que c'est. Alors, par contre, quand je l'ai emmené chez Edge, ils m'ont dit non. Ah oui. Jamais. Sur relou chez Edge. Ça sera trop cher. Alors ça m'a scié. C'est 110 cartes et une boîte rectangulaire. Point barre. Puis quand je me suis retrouvé en fait avec Antoine, quand je lui ai montré le cercueil, j'imaginais même pas une seconde qu'il voulait faire un cercueil. Et là, tout de suite, t'as appelé ton fabricant chinois sur le stand, tu lui as demandé, il fait « Oui, on va faire. » Oui. Et là, oui, il n'y a pas de problème, on va le faire. J'ai dit « Waouh, génial, pas de problème, super. Pas de problème, c'est bon. » Je suis pas sur ces vannes-là. Je m'appelle David Mourier, mais je n'ai pas écrit ces blagues. Et je vis dans le 13e, donc pas de problème. Pas de problème. Non, le truc, en fait, c'est... Le 13e, c'est le quartier chinois à Paris. Ah ben, vous n'avez pas de quartier chinois ? Non, on n'a pas de 13e. Vous avez que la rue de la soif. Vous avez que la rue de la soif. Non, le truc, c'est que pour l'histoire de la boîte, c'est que le lendemain, justement, quand on s'est vu, que je lui avais dit que je voulais faire le jeu, il y avait le fabricant chinois qui était 5 stands derrière, quoi. Donc j'avais rendez-vous avec lui et donc j'avais dit à François, est-ce que je peux garder la boîte pour lui montrer, quoi. Et donc sur le coup, il m'a dit non, c'est bon, on peut le faire. Non. Alors par contre, t'as pas été jusqu'au bout parce que sur mon proto, il était capitonné en soie avec de la dentelle sur les bords comme un vrai cercueil. Oui, aussi, oui. J'avais poussé. Oui, mais non. Ça coûtait un peu cher. Et qu'en pense le vendeur de jeux de boîtes en forme de cercueil ? Oui, la gestion des étagères, parlons-en. Alors s'il faut répondre à la question de la boîte en forme de cercueil pour les boutiques, c'est une idée à la con, mais après, en termes de jeux, c'est très bien. Hein. En termes de produits, c'est super. En termes de jeux... De toute façon, je vais passer un message aux éditeurs, vous m'entendez ? Mettez-vous d'accord sur un format, faites comme les éditeurs de livres, essayez de trouver une quinzaine de formats, et c'est bien. Comme les éditeurs livres, 90 000, hein. C'est ça, comme tu as dit, comme les éditeurs livres. Ouais. Ouais. T'as pas de livre chez toi, hein ? Non. Ouais, voilà, c'est mieux, je crois. Je pense qu'on peut faire un vrai challenge. On peut aller dans une librairie. Je pense qu'on peut sortir, allez, je tente le truc, 30 fois moins de formats différents. Véritablement, c'est un truc de fou, le nombre de formats différents, vous vous rendez pas compte. Vous prenez l'heure du jeu, là, juste ce qu'il y a devant vous, alors après, ce sera pas du tout écoutable. Mais là, le nombre de formats différents, vous avez l'impression que c'est les mêmes formats. Vous avez l'impression, mais c'est pas les mêmes formats. À 2 cm à la con, c'est l'enfer dans une boutique pour faire un joli rayon. Ça devient vraiment un débat de niche. On est vraiment sur un mec qui fait... Non mais il y a 2 mm, après, ça rentre pas, après, il y a un jour dans mon étagère comment je les empile. Il y a quand même un mec qui a posé la question, qu'en pense le vendeur de jeux du format mais... Non mais effectivement, ça c'est le coffret de la petite mort est impossible à mettre avec d'autres jeux. Mais vous savez que mon premier succès en BD, c'est grâce à ça. On avait fait un journal, comment ça s'appelle ? Un cahier à spirale. Ma BD était faite avec un cahier à spirale. Sauf que quand ça arrive chez les libraires et dans les FNAC, il n'y a pas de dos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire mon nom sur le côté. Du coup, ils ne peuvent pas le ranger. Du coup, tout le monde l'a mis devant en rayonnage. Les gens ont fait « Oh, c'est une nouveauté. Ça doit être bien parce que c'est devant. » Et du coup, on en a vendu plein parce qu'ils ne pouvaient pas les ranger. Ça s'appelle le marketing. Oui, mais marketing pas fait exprès. Mais Une question, Teresa. Mère Teresa. Elle a soigné des lépreux. Et du coup, des fois, ça part. Des fois, il y a des morceaux qui partent. Ça, c'est pas moi. Les Darwin, c'est pas moi. Ah, les fonds derrière les personnages. Qu'est-ce que c'est ? Ça, je pense que ça aurait dû être moins aléatoire. C'est avec quand on a travaillé graphiquement les cartes, on s'est dit que ça pouvait être cool que ce soit pas toujours pareil. Voilà. Il n'y a aucune raison. Ouais. Si tu regardes, celles qui sont un peu costauds, un peu baston, ou voir Claude François aura le même... font que ceux qui... En fait, quand il y a un personnage qui est un peu dynamique, on lui met un fond un peu dynamique. Quand c'est des vieux, on lui a mis un papier peint. Enfin, voilà. Mais c'est, bon, c'est pas vraiment aléatoire, mais c'était, y a aucune incidence sur le jeu. D'ailleurs, la blague, la vanne Harry Potter et sa baguette de pain, c'est toi ou c'est un accident ? C'est... Oui, c'est moi que j'ai fait Harry Potter avec une baguette de pain. Voilà. Mais c'est compliqué de faire une vanne avec un personnage, juste un personnage. Donc du coup, bah, Harry Potter, ouais, il a pas une baguette, il a une baguette de pain. Dark Vador, il a un appareil respiratoire à roulette. Voilà, j'ai essayé de faire des petites vannes comme ça, les bonbons avec Pikachu. Ah, c'est une illustration, une blague, quoi. Voilà. J'ai pas pu en mettre partout. Mais Sherlock Holmes est compliqué à comprendre. Mais une fois qu'on sait, elle est bien. Enfin... Ah, une question là-bas. Je vais voir avec l'éditeur s'il peut me sortir un petit billet. Une vidéo didacticielle pour le jeu. Je sais pas. On verra demain, il a dit, en gros. On a surtout des questions à gauche. À droite, est-ce que vous avez des questions de droite ? Ah oui, là-bas. Il y a une question, est-ce que vous gagnez là-dessus ? Alors moi, personnellement, bah, pas grand-chose, je vais être honnête. Combien tu gagnes ? À quoi ? À tout. À ce jeu, je pense. Combien de parties j'ai gagné ou l'argent ? Ouais. Combien qu'il dit ? Fallait écouter la question. Droite. Ah, question de droite. Ah. A priori, je vais toucher les droits d'auteur à un moment. Ça, faut que tu vois avec David, quoi. Ah. En fait, dans l'idée... Non. Dans l'idée, non, mais pour savoir comment se... pour savoir comment se passent les choses, moi, je, en tant qu'éditeur du jeu, je n'ai de rapport financier qu'avec l'éditeur de la BD, qui lui va gérer avec l'auteur de la BD, et moi, je gère avec l'auteur du jeu. Voilà. Tout simplement pour les royalties, ça se passe comme ça. Après, s'il n'est pas au courant. Non, mais. Et donc, si, donc c'était ça, des trucs que j'ai reçus, alors ok. Alors... ou un autre truc. Je suis pas hyper. Je lis pas beaucoup les contrats, je suis pas hyper au taquet. Ah là, l'envers du décor, vous savez tout. Les contrats, c'est des trucs qui servent à rien. Une autre question. Ah, au centre, très bien. Alors, il y a des personnages qui ne sont que dans la version française. Y a-t-il des personnages qui seront à l'étranger, qui ne seront pas dans la version française? Est-ce que tout a été traduit? Est-ce que tout sera traduit? Est-ce qu'il y a des spécificités à l'étranger? Genre, question. Ah, les étrangers ont beaucoup de spécificités. Ouais. Ça dépend dans quelle région. Si on est à côté des ports, c'est pas pareil. C'est... Non, le truc, on a justement, donc en Essonne, en octobre, non, à Essen, en Allemagne, en fait, Essen, c'est pour nous, en tant qu'éditeur, c'est un gros salon, puisque c'est le salon sur lequel on rencontre tous les distributeurs étrangers. Donc quasiment tous les pays du monde sont représentés sur place. Et on a présenté La Petite Mort via un agent, parce que c'est son métier, parce qu'on ne sait pas le faire. Et donc il l'a présenté à 13 pays différents. Il n'y a plus de son. Ah, si, il y a du son. Et donc il y a 10 personnages français, voilà. Et avec Davy, on en avait parlé il y a quelques temps déjà. Et donc ces 10 personnages-là sont personnalisables pour chaque pays, en fait. Donc en fait, chaque pays peut avoir 10 personnages à l'effigie. Alors après, là où c'est compliqué, c'est que Davy, il connaît pas obligatoirement pour faire l'illustration, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a dit, il faudrait que ce soit documenté. Enfin, bon, je pense qu'il y en a certains qui seraient faciles à faire. Mais d'autres plus compliqués. Mais bon, après, tant que les locaux reconnaissent, j'ai envie de te dire, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Donc en gros, pour chaque pays, en fait, il va y avoir des spécificités. Après, c'est pareil, il y a des cartes. Genre, aux États-Unis, ils ont tout de suite dit le Killer Surprise, c'est mort. Enfin, voilà. Le Coca-Cola Goût Radium, c'est mort. Enfin, ah ouais, tu vois. Ouais, ah, mort direct. Ah ouais. Le distributeur a vu le jeu, il a dit, mais c'est mort, on tente pas le coup, quoi. Parce que Kinder Surprise, je sais qu'ils ont même des problèmes dans les aéroports. Je crois que ça passe pas aux États-Unis ou un truc comme ça. Mais parce que le Coca-Cola, on ne blague pas avec ce qui fait gagner de l'argent à tant d'Américains, etc. Donc voilà. Donc y a, en plus, chaque pays, quand tu parles de thèmes comme cela, ça devient ensuite. Autant la vanne Coca-Cola en France, elle fonctionne un peu. Autant aux États-Unis, de toute façon. Oui, c'est vrai. Okay. Non, mais voilà. Après, la version française est facilement vendable au Québec et en Belgique, puisqu'il n'y a aucun problème. Mais après, il y a des pays qui voient le format de la boîte, ils disent tout de suite non. Juste le format de la boîte. Donc, non, mais c'est vrai. Il y a des pays qui. Non, pas de cercueil. Je crois que c'est en Chine, c'est même pas la peine de faire un cercueil. Ouais. Alors, attends, alors stop, on arrête tout. Parce que du coup, il est distribué. Enfin, distribué ou sera distribué ou potentiellement distribué dans combien de pays? On sait pas encore. En fait, l'idée, c'est qu'on a sorti la Chine, on a sorti le jeu en France, mais on a présenté le jeu à ces distributeurs-là. Après, est-ce qu'ils vont nous acheter le jeu? C'est comme Cannes, tout le monde voit le tapis rouge, etc. Mais en fait, au final, au sous-sol, il y a des stands et puis il y a des diffuseurs qui essaient de vendre leur série, c'est le marché des films, en fait. Là, c'est la même chose à Essen. Nous, on présente et on fait jouer des gens, on vend des jeux aux clients. Mais il y a aussi en backstage, il y a énormément de distributeurs qui sont là pour acheter des jeux pour leur marché. Locaux. Donc voilà. Donc pour l'instant, en fait, il est vendu nulle part, mais on l'a présenté à une quinzaine de pays, en fait. Voilà. En fait, il y a deux solutions. Voilà. En fait, c'est soit c'est la même façon de bosser qu'en France avec un distributeur et on bosse avec notre distributeur en France. On produit nous et on lui vend les boîtes. Soit ils achètent une licence. Donc il y a certains pays comme le Brésil ou la Russie qui font payer plus de 100% de taxes du prix du jeu. Donc en gros, voilà. Donc en gros, ils préfèrent acheter la licence. Et ils produisent, eux, de leur côté, etc. Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'ils font. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut, un jour, on peut tomber sur un truc muerte, je sais pas quoi. La pequeña muerte. Et tu fais genre, waouh, et tout est différent et tout. La petite muerte morte. non, mais voilà. Ça me ferait marrer. Hein. Non. L'idéal pour un éditeur, c'est de ne pas bosser avec les licences dans le sens où justement on n'a pas ce contrôle-là. Mais oui, chaque pays a sa spécificité, qu'on parte de la distribution, du thème, de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, même parfois. Il y a certains pays qui ne veulent pas de jeux avec des aimants. Ils veulent pas, on ne peut pas importer de matériel avec des aimants dedans. Enfin, c'est super complexe. Pourquoi ? Parce que c'est y a des règles aux douanes. Enfin, il y a des choses. Enfin, après, faut pas expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. Ouais, comme le Kinder Surprise. Ouais, c'est vrai. Ouais, le temps que je bafouille, finalement, on me rend le micro. Non, si le jeu peut se vendre à l'étranger, la BD, est-ce que c'est vendu à l'étranger ? C'est une énigme pour moi. La Petite Mort se vend vraiment bien en France. Le dessin animé a même permis de sortir des frontières françaises et de l'Europe, etc. Il y a des gens au Québec qui regardent le dessin animé. La Petite Mort, Delcourt n'arrive pas à trouver d'autres éditeurs étrangers pour le faire. Peut-être que c'est le thème, hein, la mort, hein, qui est compliqué dans des pays, parce que bizarrement, Super Caca, qui est une BD qu'on vend beaucoup moins que La Petite Mort, on a vendu en Espagne et on a vendu aux Pays-Bas. Et là, j'ai reçu les albums avec Super Caca avec des K, parce qu'aux Pays-Bas, c'est avec des K. Voilà, et donc ça fait rire. Voilà. Et donc, ça, cette BD, on l'a vendue alors que le potentiel vente était beaucoup moins important. J'ai halluciné. La Petite Mort, ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce que c'est le thème ? Est-ce que c'est. Je ne sais pas. Le thème doit bloquer. Mais comme Super Caca a fait qu'on a bloqué des ventes aussi, parce que ce genre de BD, c'est surtout des parents qui achètent ça pour que leur gamin aille à un anniversaire au CM2. Et quand le gamin il dit « Ah, je vais prendre Super Caca », les parents font « Non, on les connaît pas, tu vas pas emmener un truc où il y a écrit caca. Non, tu prends les légendaires, s'il te plaît. » Voilà, en gros, c'est ça. Et Delcourt est très content avec les légendaires, avec Super Caca, il nous a dit « Bah, arrête. Arrête, on en vend pas 100 000. Voilà. » Et ça pourrait faire un super jeu, ça, Super Caca, avec plein de personnages et tout, qui se fight et tout, et au milieu, un Super Caca. Qui sent la fraise. Il y a déjà un jeu, comment il s'appelle avec, toi, tu sauras plus que moi. Avec un caca ou... Avec qui café, c'est ça? C'est ça le jeu qui café ? Oui, il y a un petit caca au milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a déjà le thème qui est. Ouais, c'est déjà. Puis c'est difficile de faire plusieurs jeux sur le même thème quand même, surtout sur le caca. Non, mais ils ont pas le monopole du caca quand même. Ils ont pas le monopole du caca. Non, la carte, on va l'enlever. Je suis uniquement là pour les Français. Déjà, la plupart des gens qui ont vu le dessin animé de La Petite Mort, ils connaissent pas l'auteur. Des fois, ils viennent me voir en dédicace et ils font. Mais je l'ai pas vu sur YouTube. Donc du coup. Du coup, si on le met à l'étranger, à part mettre un auteur de BD qui meurt, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de raison d'avoir Jeanne Calment dans un autre pays que chez nous. On la remplacera par Stanley pour ouais. L'étranger. Puis... Par contre, il y a Johnny Hallyday, bordel. Hein. Alors, et ça, on n'y touche pas, quoi. Et je vais faire mon vendeur de jeux à la con, mais je pense qu'en plus, pour avoir vu aujourd'hui avec François ce qui s'est passé en boutique, puisque tu étais là, et pour voir ce qu'on a vu nous avec le jeu, la plupart des gens qui achètent le jeu aujourd'hui ne sont même pas forcément au courant qu'il y a une BD, et ne sont même pas au courant du coup que David Mourier peut-être qu'ils le connaissent, peut-être qu'ils le connaissent pas, mais en tout cas, ils savent peut-être même pas qu'il est derrière le jeu. Parce qu'il faut bien avoir conscience que d'un point de vue culturel, le jeu de société, c'est 1000 ans en arrière de la BD. Bon, j'exagère évidemment, mais l'illustrateur, les gens qui se posent la question de savoir qui a illustré un jeu, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Dans la BD, ça, je sais pas... Il n'y a que Magic qui a ce truc où tu regardes les artistes, ouais. Vous êtes une minorité, les gars. Vous êtes vraiment une minorité. Oui, dans la BD, le dessinateur va plus vendre que le scénariste. Ouais, ouais. Ouais. À part deux, trois scénaristes. Dédicace, ouais. Bon, ouais. Trondheim, quand même, ça va. Oui, mais, on est d'accord. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, bizarrement, mes BD se vendent moins bien quand c'est quelqu'un qui a dessiné. Alors que moi, souvent, je prends des dessinateurs parce que mon dessin, je l'assume moyen. Mais il y a plein de gens qui disent « Bah non, je vais pas l'acheter, c'est pas toi qui as dessiné. » Et je dis « Bah, c'est quand même moi qui ai fait l'histoire. » Ouais, mais c'est pas ton dessin. Mais moi, je saurais pas dessiner ce camion qui explose. Ouais, mais c'est pas ton dessin. Et tu fais ok. C'est pas tout toi. Et pour revenir rapidement sur ce que disait Vianney, c'est la raison pour laquelle le jeu de François était parfait. C'est parce que c'est comme Davy a commencé comme ça, là, le débat. C'est un vrai jeu, quoi. C'est comme Davy l'a dit, c'est un vrai jeu, quoi. Enfin, le truc, c'est aussi ça. Il n'y a pas de secret. Certes, la frontière entre le jeu de société et la BD est super mince. Mais il y a encore énormément de joueurs de jeux de société qui connaissent pas la BD et vice-versa, quoi. Donc c'est super important que chacun sache faire son métier, quoi. Et sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter ce soir, franchement. Donc merci à tous, merci à François, merci à Davy, merci à Antoine, merci à Vianney. Donc on peut trouver ce jeu où ? On peut trouver ce jeu à Terre de Jeu, par exemple. Et la BD, on peut la trouver à Tibulle tome 2. Et on remercie l'heure du jeu. Pourquoi ? Pour nous avoir reçus. Ouais, wouh ! Et à l'heure du jeu. Acheter des bières. Et à l'heure du jeu, on pourra même jouer à la petite mort et même peut-être même lire des petites morts et tout, ça va être super. Donc merci à tous, voilà, lisez, jouez, buvez des bières et passez surtout une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. We'll be right back.